Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Avant de commencer, je voulais faire un petit rappel habituel. Nous sommes présents sur Gab, à l'adresse Oremus officielle. Nous sommes aussi relayés sur différents réseaux sociaux, médias, sur Odyssée, sur archive.org, sur Telegram, sur d'autres plateformes. Et d'ailleurs, on remercie toutes les personnes qui veulent bien nous partager. Je vais pas en faire des tonnes concernant la promo, parce qu'en fait, apparemment, j'étais un peu lourd pour les deux premières émissions. Mais c'est normal, parce qu'en fait, on vient de commencer. Donc, j'avais besoin de vous solliciter un peu plus. Et on a remarqué que les audiences étaient tout à fait correctes. Ça se partage bien, ça s'écoute bien. Donc, tout simplement, je voulais dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu. Continuez avec vos efforts, parce que nous, on a besoin de tout ça. Et on va tout de suite enchaîner par l'émission. Mais avant, je vais présenter mes deux camarades intégristes qui m'accompagnent aujourd'hui. Je vais commencer par Dédé. Dédé, comment ça va ? Salut Bobby, salut Rex, ave à tous nos auditeurs, loué soit le bon Dieu. Mais écoute, ça va bien, j'ai eu l'occasion d'aller voir le film Vaincre ou mourir, produit par le Puy du Fou. C'était un bon film avec un petit budget, ça rajoute un petit caillou dans le pied de la République, donc tout va très bien. Ouais, super, très bonne nouvelle. Rex, comment ça va ? Je crois que peut-être tu as eu l'occasion de voir aussi ce film, non ? Bonsoir Bobby, bonsoir Dédé, bonsoir à tous. En effet, j'ai eu l'occasion de pouvoir le voir, ce qui n'était pas certain sur le coup. Et moi, comme Dédé, je dirais que c'est de toute façon globalement plutôt positif quand on voit les moyens employés et le fait que c'est atteint des salles de cinéma tout à fait officielles. Je sais qu'ils n'ont pas eu beaucoup de budget pour tourner ce film. Est-ce que c'est du coup, vu que c'est un film historique, est-ce que du coup ça se ressent au visionnage du film ? J'allais dire pour un puriste peut-être, mais ça n'est pas horrible. Il y a quand même un bon jeu d'acteurs, les scènes de bataille peut-être en déçoivent certains et d'autres non. Moi, je trouvais ça correct, crédible et tout ça. L'acteur qui joue Charette a un bon charisme, on y croit, ça fait un tournage vraiment humain et tout. Possible que ça se ressente, mais pour un puriste, j'aurais dit autrement. On n'y prête pas trop attention, on trouve ça tout à fait correct et bien tourné, disons. Le budget, effectivement, il était apparemment de 5 millions, dont 1,5 million juste pour la publicité. Donc concrètement, le film, c'est 3,5 millions d'euros de budget, ce qui est 50 fois moins, voire 100 fois moins que les grands films américains, forcément, dont on a un peu plus l'habitude. Mais bon, comme ça fait au moins 10 ans que j'étais pas allé au ciné et que je regarde pas la télévision, en fait, ça m'a pas choqué du tout, quoi. Mais oui, c'est un film documentaire. D'ailleurs, il y a des historiens qui apparaissent au début du film, dont Reynald Secher, donc l'auteur du livre « Du mémoricide au génocide ». Et voilà, c'est un peu l'auteur principal qui a travaillé sur cette période de notre histoire, qui est le génocide vendéen, et donc qui est passé du génocide au mémoricide, parce qu'en fait, on n'en entend jamais parler. C'est notre mémoire qui a été effacée. Forcément, la République est en pouvoir. Elle essaie d'effacer au maximum comment elle est née, c'est-à-dire dans le sang. Dans ce film et ce genre de thématique, c'est vrai qu'on reste un petit peu dans une ambiance un petit peu choatique de « on a beaucoup souffert », etc. Ça, c'est peut-être le seul point qui me dérangerait, mais bon, on va pas tirer à boulet rouge dans le sens où là, pour une fois, voilà, ça fait la mémoire du combat contre les révolutionnaires, c'est une bonne chose. Vous avez là un film même catholique en soi, catholique et royal. C'est les points de doctrine sont mis en avant. Franchement, c'est tout à fait correct et positif. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut rappeler à nos contemporains. D'autant que moi, j'en entendais parler, je sais pas, vers les 2012-2013, de la Vendée, des Chouans. Mais j'ai l'impression que maintenant, ça va un petit peu plus sur la place du marché. Et dans la salle de cinéma, quand on regardait autour de soi, autant il y en avait quelques-uns qui avaient des dégaines un peu de Royco, autant la majorité, tu voyais que c'était des gens tout à fait ordinaires de la société, des gauchistes, des boomers, etc. Et, donc voilà, ça leur faisait voir un petit peu quelque chose qui a pu peut-être les choquer, mais du moins faire entrer un petit peu ce pan de l'histoire française dans leur tête, quoi. Perso, j'ai un peu honte de l'avouer, mais j'ai découvert vraiment l'histoire complète de la contre-insurrection vendéenne la première fois que je me suis rendu au Puy du Fou. C'était même pas prévu, c'était même pas pour faire je sais quel acte militant ou se renseigner, c'était comme ça, un peu à l'improviste. Et en me renseignant à la suite de la visite du Puy du Fou, qui est d'ailleurs vraiment en termes de divertissement, je trouve ils ont frappé très fort, très très bonne qualité. C'est là que je me suis rendu compte à quel point, enfin, disons que c'était une pierre en plus, je me suis rendu compte à quel point finalement l'histoire était biaisée depuis le début. Et finalement, on veut nous faire pleurer sur les déboires de la République. Alors écoutez, moi j'ai pas envie de faire comme un certain peuple de Judée qui qui compte les morts et qui essaye de faire du chantage affectif dessus. Mais enfin, si on fait un simple calcul numérique, je pense qu'on aurait des choses à redire sur ce caractère historique qui est, ne serait pas caché, c'est difficile à dire, mais au moins camouflé, parce que la République mise énormément sur sa propagande. Et je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai pas vu le film, hein, encore, hein. Je pense que je vais essayer de me renseigner pour essayer de le voir. Je crois que c'est compliqué en termes de salle, peut-être j'attendrai la sortie DVD, quelque chose comme ça. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une sortie DVD qui était prévue, donc c'est pas si anecdotique que ça comme film, parce que tous les films ne sortent pas en DVD, hein. Il y a beaucoup de navets comme ça qui finissent oubliés. Malheureusement d'ailleurs, peut-être que le dernier film d'Astérix va finir en DVD aussi. Donc là, c'est pas du tout niveau qualitatif. Là, on est vraiment au ras des pâquerettes. Mais bon, eux, ils ont les moyens, ils ont les sous, hein. C'est pas la même chose. La potion magique, excuse-moi Bobby, est cachère cette fois-ci, ce qui est assez étonnant pour l'histoire, pour cette petite histoire gauloise dont certes je crois que même la bande dessinée, il était d'origine juive, hein, celui qui avait créé ces petits personnages. J'ai vu qu'il y avait le Cohen là qui était déguisé en Celte et qui a un rôle. Je sais plus, Jonathan Cohen. Il y a tellement de Cohen, on sait même plus les prénoms. C'est un Cohen parmi tant d'autres, voilà, qui avait un rôle très important dans Dernier Astérix là. Et puis ils ont mis des petites bouclettes avec un petit casque, des vêtements historiques. Écoutez, je suis désolé, ça prend pas, hein. Ça ne prend pas. Ça se voit quand même sur son visage, quoi. C'est grossier, C'est c'est vulgaire. Koenix. C'est vraiment le sketch des inconnus. Ça parle de la mythologie viking. Et en fait, c'est rempli de juifs partout. Enfin bon, pourquoi pas, donc, pourquoi pas aller se laisser tenter par les salles de cinéma prochainement. Vous ferez un avis. Peut-être que si vous avez des retours à nous faire, on pourra peut-être les communiquer. Mais écoutez, on va continuer un peu à parler des juifs et on va enchaîner directement sur le premier sujet. Alors attends, excuse-moi vieux, sur juste ce petit rappel, c'est Anderson le Viking, donc ce qu'avaient fait les Inconnus, et c'est énorme parce que oui, le producteur c'est Ben Soussan, c'est son frère qui est réalisateur, c'est lui qui tourne le même film, et ça fait genre le Viking alors que c'est Monsieur Ben Soussan qui joue les Vikings super intégrés. David, tu étais formidable, plus viking que toi, tu meurs. Super. T'es sûr que j'étais crédible? D'aucuns ont fait le parallèle du genre, c'est un peu Éric Zemmour, genre plus gaulois que les Gaulois. On a l'impression de voir du Zemmour et le Charles de Gaulle des Blédards, mais genre dont avant, quoi. Ah, mais c'est grotesque comme l'est le cinéma français dans sa globalité, quoi. Ils arrivent quand même maintenant à un point où ils nous sortent des juifs vikings, des juifs celtes avec Astérix. Et puis d'ailleurs Obélix qui est joué par comment il s'appelle? Lalouche, je crois, un truc comme ça. Ah, Gilles Lellouche, tout à fait. Qui Ah, d'ailleurs qui est pas Lellouche, un... pas Lalouche. Mais bon, comme aujourd'hui on peut choisir son genre, peut-être qu'un jour c'est là, un jour le, je sais pas. Alors il a pris un peu de poids pour tourner le rôle d'Obélix, ça s'est vu. Je pense qu'il aurait pu prendre aussi des je sais pas des cours d'acteur. Généralement, j'ai pas craché dans la soupe. Je l'ai vu dans quelques films. C'est pas un mauvais acteur, d'accord? Je peux pas dire c'est un mauvais acteur. Il est pas exceptionnel, j'ai envie de dire ça se tient. Par contre, de ce que j'ai vu, vous savez comment on décrète qu'un film est mauvais avant de le voir, d'accord? Parce que j'ai pas vu ce dernier Astérix. On regarde la bande-annonce. La bande-annonce, c'est censé être les meilleurs moments, d'accord? Donc quand dans les meilleurs moments, dans la bande-annonce, j'ai vu un Lellouche qui était complètement à côté de ses pompes, et une bande-annonce, ça dure une minute et 30 secondes environ, j'ai pas rigolé, mais même pas un petit sourire une seule fois. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que ça va être? Ensuite, j'ai vu les critiques et les spectateurs, hein, pas les critiques de la presse, hein, les critiques de la presse, c'est toujours, oh là là, film français magnifique, ça touche, ça parle un petit peu des clandestins, donc c'est génial, tout un tas de films comme ça là, qui essaient de nous mettre en avant, des navets pas possibles qui seront vite oubliés. France Info. Les experts cinéma, comme chaque samedi sur France Info, les films de la semaine, avec Thierry Fioril et Matteo Maestracci. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent. Bonjour. On commence avec Un petit frère de Léonore Serraille. Mardi dernier, Jules César m'a invité à boire le café. Il existe encore celui-là? Il divorce. Sa femme là, elle était folle. Sa couple là, on serait cool on the gang. Oh cool on the gang, c'est vrai en plus hein. C'est le deuxième film de Léonore Serraille, le premier a bien marché. Caméra d'or à Cannes en 2017, c'était Jeune femme. Un petit frère cette fois-ci, Thierry, c'est le parcours sur plusieurs décennies d'une mère arrivée de Côte d'Ivoire en France avec ses deux fils à la fin des années 80. Rose, Annabelle Langron, débarque en banlieue parisienne, hébergée sommairement chez des parents. Du père et de ses autres enfants, on ne saura rien. Rose est mère, bien décidée à donner à ses fils un avenir meilleur, mais elle est aussi femme et ne cède pas au destin sombre de l'immigré. Elle enchaîne les petits boulots, mais désire également vivre, s'amuser, aimer. Sa communauté la pousse dans les bras d'un séducteur, le bien nommé Jules César. Elle lui préfère un ouvrier maghrébin, puis un Français marié, ce qui l'emmène en Normandie. Et de déception en échec amoureux, les années passent, la liberté est parfois chaotique de Rose lui fait prendre de mauvaises directions. L'un de ses fils accumule les problèmes, un petit frère. C'est l'histoire d'une femme que la réalisatrice ne résume pas à son identité. C'est aussi un film inspiré du parcours du compagnon de Léonore Serraille. Le genre d'histoire, dit-elle, trop rare au cinéma. Non, il faut lire les critiques des spectateurs. Donc, ça a décollé la première semaine, Astérix. Parce qu'il y a la licence Astérix qui attire du monde. Et peut-être que les gens se sont souvenus d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre, une comédie qui se tenait, qui était assez drôle parfois. Bon, il y avait des moments un peu de flottement, mais dans l'ensemble, c'était assez réussi, c'était produit par Chabat. Voilà, encore un celte de naissance d'ailleurs. Mais la deuxième semaine, les chiffres se sont complètement effondrés parce qu'il y a un truc qui s'appelle le bouche à oreille. Et donc, les gens, ils sont sortis du cinéma en se disant, qu'est-ce que je viens de regarder? Qu'est-ce que c'est que cette bouse? Et peut-être qu'ils vont pas rentrer dans leurs frais. J'espère qu'ils ne vont pas rentrer dans leurs frais. Le problème, c'est qu'ils ont tellement de moyens marketing qu'il est possible qu'ils rentrent dans leurs frais. J'espère pas. Ça serait que justice. Ce serait quand même fantastique que ça fasse une faillite générale du cinéma français, quoi. Enfin, du cinéma français. Du cinéma juif en France, juive. Mais ça serait quand même assez sympa, quoi. Oremus, mon cher Dédé. Oremus. Donc, on va rester sur le ton, hein. On va parler un petit peu des juifs. Je voulais qu'on aborde un sujet qui est assez intéressant. Ça s'est passé à Jérusalem ce mois-ci. Je vous fais le pitch. Très rapidement, c'est une statue du Christ qui a été détruite à coups de marteau. Une jolie statue du Christ d'ailleurs, à échelle d'homme. Ça a l'air d'être du marbre ou imitation marbrée. Très jolie statue qui a été complètement détruite. Et le Figaro nous relaie cette histoire. Alors le Figaro, à qui appartient la meute médiatique, hein ? Mon intime conviction me dit que oui. Car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique occidentale, dont nous savons qui la contrôle, de me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser. Qui la contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général Delaware. Vous savez bien. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui, ça qui sont qui ces gens? Qui, bon. Qui Pardon qui, qui Vous qui parlez vous de Dreyfus, monsieur. Qui Qui ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là, on va pas partir là-dessus. Merci, on va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Honteux. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà. Merci. On coupe. On peut pas continuer. Le Figaro, c'est les Dassault. Mais les Dassault, ils s'appellent Bloc, hein, les Dassault. Après, ils sont devenus Dassault. Ils sont francisés. Et les Dassault, bah, ils oublient de préciser que l'Américain en question, qui est venu dans une église détruire sa statue, bon, en fait, il est américain, mais il est surtout juif, d'accord ? Il était en Israël, et il était à Jérusalem, plus particulièrement, il a détruit la statue. sûrement un oubli de la part de journalistes du Figaro. Ce sont des gens qui peuvent être parfois distraits, mais ils sont tellement intègres qu'on ne peut pas leur reprocher, même pas soupçonner d'avoir oublié sciemment la nature juive du délinquant, d'accord ? Et qui nous parle comme ça, une petite brève, donc de statue qui est détruite. Le problème, c'est que en ce moment, il y a beaucoup de lieux, de statues, divers objets qui appartiennent à des catholiques, qui sont présentes en certain nombre à Jérusalem, même en Israël en général, qui sont détruites avec des chrétiens qui sont de plus en plus harcelés, pour ne pas dire agressés. Ça s'inscrit dans un mouvement de plus en plus radical, d'accord, qui est relayé en fait par la presse locale juive. Par exemple, j'ai pris cette information dans le Times of Israel. Donc là, ces gens s'adressent à leurs petits copains, et eux, ils n'ont pas de pudeur particulière à préciser la nature juive de ce fameux Américain. Américain avec beaucoup de guillemets. Quand on le retrouve dans la presse locale française, tout ça disparaît. Ça, c'est magique. Hein. C'est particulier. Et donc, il y a des responsables religieux locaux en Israël qui s'inquiètent finalement d'une montée de violence à l'égard des chrétiens, en termes de nombre et en termes de dangerosité. Et cette histoire de statut, finalement, c'est juste un élément en plus qui a été mis en avant parce que finalement la personne a été gaulée, mais dans la plupart des cas, malheureusement, les délinquants, les criminels, hein, parfois, hein, des fois, on parle vraiment des fois de crimes de sang, ne sont pas attrapés. En décembre 2021, des responsables d'églises locales avaient affirmé que les chrétiens étaient devenus la cible d'attaques répétées de la part de groupes radicaux et marginaux à Jérusalem et ailleurs en Terre Sainte et dénoncé l'inaction des autorités israéliennes. Je voulais avoir, on va un peu gratter un peu le sujet, il y a beaucoup de choses à dire, mais je voulais un peu avoir votre ressenti sur ce judéo-christianisme qui ne semble pas prendre en Israël. Ah, bonne intervention, Bobby. Oui, tu soulignes bien les choses. Déjà un peu le traitement de l'affaire, donc on cache un peu le motif qui est sa judaïté, quoi. On le cachère même. On le cachère, voilà, caché et cachère, les deux. Et ça me fait penser, dans une peut-être une moindre mesure limite, de parler de voitures folles, tu sais, quand des voitures ont roulé à Nice, etc., machin. Donc, au lieu de parler d'islamistes directement, radicaux, etc., on va dire des voitures folles ont foncé sur la foule, donc on personnalise la voiture, on dirait que c'est la voiture d'elle-même qui a décidé de tourner au dernier moment et de foncer dans le tas, quoi. Donc là, c'est un petit peu pareil, ouais, c'est un Américain a fait ça, non, c'est un Américain d'origine juive et qui était sans doute motivé par sa judaïté pour commettre ce qu'il a commis, ce qui est d'ailleurs... très grave, hein, c'est archi-catastrophique quand même, s'en prendre à une statue du Christ dans une église en Israël. Il est plus fanatique que l'État israélien lui-même qui n'avait pas détruit la statue et dont la police a réagi ensuite. Ouais, donc c'est dire le niveau un peu décontracte du type et de sa haine talmudique. Je pense qu'il faudrait en venir à là, c'est-à-dire ce post-christianisme, en fait, c'est postérieur au christianisme, avec les pensées rabbiniques, qu'est-ce qu'ils ont pu édifier pour éviter de suivre le Christ, qui était normalement ce à quoi ils étaient appelés à faire, sauf que le message les avait déçus, puisqu'il était surnaturel, et que ce n'était pas un chef temporel qui leur apportait une domination nationaliste, ou voire sur le monde, comme ils l'espéraient. Et donc de cette déception, de cette désillusion, si j'ose dire, voilà, s'est construit donc un judaïsme post-chrétien qui n'est même plus vraiment le judaïsme mosaïque, puisque viennent s'ajouter des textes, des doctrines, des fondements juridiques après coup. Je ferai souligner ici que jamais un chrétien le fera dans le sens inverse. Je ne pense pas qu'on puisse trouver dans l'actualité un chrétien qui s'en prenne à une statue du roi David, de Moïse ou d'un prophète, Élie, Isaïe, etc. Ça sera un petit peu autistique d'ailleurs, en sachant que notamment les prophètes ont annoncé la venue du Christ. Donc ça sera un petit peu faire son néo-martionniste de l'espace, ce qui ne conviendrait pas, quoi. Donc voilà, nous avons quand même un certain respect pour l'ancienne alliance, bien qu'elle soit scellée, qu'elle soit dépassée. C'est là une différence, et donc oui, comme je disais, le Christ porte un message surnaturel, c'est le nouvel Israël, la surnature qui ne vient pas nier la nature mais l'élever, donc la nature à son ordre propre, bien qu'elle soit également édifiée par Dieu, donc on en revient quand même toujours au même auteur, mais voilà, ça donne toute une série de sujets, même un peu compliqués dans le catholicisme. Voilà, il y a la juridiction, il y a la foi, il y a aussi le temporel et le spirituel, l'État qui agit dans une certaine zone, et le pape qui, même s'il est le plus grand homme, la plus grande hiérarchie sur Terre, si l'on veut, voilà, a aussi un ordre d'action bien déterminé, bien prédéfini. Voilà, après, je voudrais pas m'écarter un peu trop du sujet, mais voilà ce que je pourrais dire. Quand on pense même à la vidéo de l'abbé Riout là, sur Attal et son film et tout ça, qui disait « Nous, on n'a rien fait de mal, nous les Juifs, on n'a jamais rasé une église, jamais fait ça, jamais fait ceci, cela. » Et donc, il les renvoie entre autres au crime des bolcheviks qui avaient en bonne partie des racines juives. Mais entre autres, voilà, on pourrait ajouter au tableau de chasse, si j'ose dire, donc cette petite initiative individuelle de ce fameux Américain, n'est-ce pas, entre guillemets, très fanatisé. Ouais, t'as un peu parlé de la haine talmudique, je crois qu'on en avait aussi parlé lors de l'épisode 1. Du coup, je vais quand même vous donner quelques citations du Talmud pour qu'on soit un petit peu plus concret. Les goïms souillent le monde, le juif est un être supérieur. Donc les goïms, hein, les goïs, c'est les non-juifs. Hein. Un juif est toujours considéré comme bon, en dépit des péchés qu'il peut commettre. C'est toujours sa coquille qui se salit, jamais son fond propre. Vous, juifs, êtes nommés hommes, et les nations du monde goïm ne sont pas nommées hommes. Les âmes des goïms proviennent d'esprits impurs, qu'on nomme porcs. Il ne faut pas avoir plus de compassion pour les goïms que pour les cochons. La propriété d'un goï appartient au premier juif qui le réclame. Les juifs peuvent mentir et se parjurer si c'est pour tromper ou faire condamner un goï. L'usure peut être pratiquée sur les goïms ou sur les apostats. L'adultère n'est pas défendu avec la femme d'un goï, parce que Moïse n'a interdit que l'adultère avec la femme de ton prochain, et les goïs ne sont pas ton prochain. Voilà, après c'est... juste quelques petites citations du Talmud et du Zohar, qui sont un peu les deux livres de référence donc du judaïsme actuel, qui est le pharisianisme, hein, donc pas le judaïsme mosaïque, comme l'évoquait Rex. Donc on comprend un peu cette mentalité. Pour cet Américain juif, ça devait être insupportable de voir une belle statue de notre Seigneur. Il n'a pas pu s'empêcher de lui mettre un coup de marteau, parce que concrètement, c'est qu'un goy, c'est pas grand-chose. Et en fait, ça lui a, en gros, la statue lui appartient, donc il peut en faire ce qu'il veut. Pourquoi pas la détruire? Oui, tu soulignes un bon point là qui est donc complètement anti-universaliste, anti-chrétien, puisque je veux dire, quand on fait le mal, on fait le mal en soi, ça ne dépend pas de la personne en face. Pour inverser un peu les rôles, si un banquier chrétien, entre guillemets, a un client juif et qu'il y a une erreur de compte dessus, il est tenu de lui dire, hein, enfin, il est tenu de ne pas mentir, du moins, puisque mentir est mal en soi, que tu mentes à quelqu'un qui est chrétien, à quelqu'un qui ne l'est pas, à quelqu'un qui est juif, ou peu importe. Ça va même un petit peu au-delà des races, parce que de toute façon, c'est un principe universel. Voilà, le mensonge en soi est mauvais. Donc, tu ne peux pas raconter n'importe quoi sous prétexte que l'autre n'est même pas de ta religion ou quoi que ce soit. Donc là, on va dans les fondements juifs qui sont très inquiétants et qui font que bah, on se demande si on peut faire confiance, surtout si quelqu'un professe ça franchement publiquement et tout. Mais voilà, c'est en soi c'est très mauvais. Est-ce que voler en soi c'est mal ou c'est bien? Bah, si c'est mal, c'est mal. C'est pas si on vole un goy, ça marche bien, et s'il est pas goy, oups, erreur sur la personne. Donc ouais, c'est moi je vois les principes juifs, je les trouve inaccessibles, quoi. C'est pas possible, ça va contre la raison humaine ici. Après, ils se défendront toujours avec leur pile-poule, puisque de toute façon, oui, mais ça ne veut pas dire ça, mais ça, et tac, tac, et là, on s'arrache les cheveux pendant 3 heures, et on trouve une autre réponse. C'est ça le problème avec le Talmud aussi, c'est que voilà, même un rabbin te dit, quand tu l'as étudié 20 ans, tu n'as toujours pas compris. Voilà, bah ça, c'est typiquement les principes juifs, là où, dans le christianisme, je veux dire, c'est assez simple, tout le monde peut se sauver, il suffit d'accepter la vérité, de suivre quelques sacrements, etc., même en étant un fin fond de paysan de Cambrousse qui est parlant au dialecte, en soi, on peut se sauver en s'en donnant un minimum des moyens, en aimant Dieu et en pratiquant la charité authentique. Alors, lorsque les Juifs ils parlent d'antisémitisme, d'un point de vue historique, ils ont mis toujours de préciser comment est-ce que ça vient, l'antisémitisme. Sorel avait fait polémique parce qu'il avait dit, en gros, il n'y a pas de fumée sans feu. Le lobby sioniste, un argument classique des antisémites. Tout comme d'ailleurs l'incapacité des juifs à se remettre en cause. Quand avec un français juif sioniste, tu commences à dire il y a peut-être des problèmes qui viennent de chez vous, vous avez peut-être fait quelques erreurs, C'est pas systématiquement la faute de l'autre totalement si personne peut vous blairer et partout où vous mettez les pieds, parce qu'en gros, c'est à peu près ça leur histoire, tu vois. Ça fait quand même 2500 ans que chaque fois qu'ils mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans, ils se font dérouiller. Tu vois, donc faut se dire, c'est bizarre. C'est que tout le monde a toujours tort sauf eux. Le mec, il se met à aboyer, à hurler, à devenir dingue, tu vois. Et tu peux pas dialoguer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une psychopathologie, tu vois, du judaïsme sionisme qui confine à la maladie mentale. Ils ont bougé, les juifs. Regardez ici une carte historique qui nous montre comment, entre l'an 1000 et l'an 1500, expulsion. Chaque tache noire, c'est une expulsion forcée. Tu en as 15. Entre l'an 1500, tu as 15 expulsions forcées. En moyenne, tous les 33 ans, tu as un ange qui vient, coup de pied aux fesses, tac, tu dégages. Pardon ? En Espagne, bien sûr. 1492. Portugal, Provence, Hongrie, etc. etc. Je ne vais pas tout vous lire. Hein ? Alors, il y a une période où on était. Tu y restes, tu as toujours un âge d'or, comme tu dis dans chaque pays, tu as un âge d'or. Puis un beau jour, pic, tu dégages. Regardez-vous. Regardez vos ancêtres, regardez vos parents, regardez une carte, c'est pas été inventé. On est nouveau venu. C'est la fameuse parabole du juif errant. Elle n'est pas née comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu. On erre d'un pays à l'autre. Chacun de vous, moi je fais mon année, ma généalogie, j'ai fait au moins 20 pays en 1000 ans. Au moins 20 pays. Vous aussi. Qui veut dire je suis d'origine d'Oz là-bas? Qui est origine de là-bas? Ton jeu là-bas, mais avant t'étais où? Avant t'étais chacun. Il a fait la carte entière. Comment ça vient à l'antisémitisme? Je veux dire, s'il y a un jour des gens qui se sont réunis et puis ils se sont dit, les gars, venez envahir les juifs. Voilà. On va haïr les juifs à partir de maintenant. Est-ce que ça s'est passé comme ça ou alors est-ce qu'il y a des raisons qui ont poussé les gens quelque part à avoir quelques griefs à l'encontre des juifs? Je me pose la question parce que les juifs, lorsqu'ils parlent de Louis XIII, donc de Saint-Louis, ils sont horrifiés. On est contre le roi de France qui va brûler, faire des fameux Talmuds à Paris, et puis des milliers de Talmuds, quelle horreur, à quel point il nous en veut, c'est ça l'antisémitisme, la haine. Donc là, Dédé nous a parlé un petit peu du Talmud, qu'est-ce qui contient le Talmud. Si vous êtes aux responsabilités en tant que roi de France à cette époque, et que vous avez connaissance de ce genre d'extrait, c'est le minimum. Brûler le livre en question et tous ces exemplaires, c'est le minimum. Donc je suis désolé, par exemple, pour cette histoire précise de Talmud brûlé, l'antisémitisme, avec des guillemets, parce que l'antisémitisme, il le voit directement d'un point de vue uniquement racial, comme s'il n'y avait pas de notion sociologique derrière. Voilà. Comme s'il n'y avait pas de notion, par exemple, de morale derrière. Bah, l'antisémitisme, pour le coup, il est né de quelque chose de rationnel, d'accord. Il y a tout un tas de bouquins qui sont suivis par les fidèles juifs, où on leur apprend finalement que leur voisin, Goy, c'est un moins que rien. Excusez-moi, mais il y a de quoi se sentir un peu insulté. Et on se dit, on est quand même maître chez nous, on est ultra majoritaire, pour qui se prennent ces gens? Est-ce qu'ils voudraient pas prendre des mesures pour arrêter un peu cette fameuse haine dont ils parlent tant? Voilà. Ensuite, je veux rebondir un peu sur Rex qui parle de valeurs universelles concernant, par exemple, le mensonge. Il y a que certains juifs fanatiques, je vais pas dire tous, d'accord, qui arrivent quand même à faire du pile-poule pour dire, ah, le mensonge, machin, ça dépend, oui, non, non. Le mensonge, c'est mal. Tout le monde s'accorde là-dessus. Même les athées s'accordent là-dessus. Donc, tout le monde a compris ça, à part, voilà, certains éléments plus ou moins fanatisés. J'ai même certains éléments, on va passer un extrait actuellement, d'un rabbin qui dit tout simplement, écoutez, le vol, non, le vol, on peut pas. Par contre, voler un goy, si le goy s'en rend pas compte, hein, erreur de la banque en votre faveur, charré, c'est permis, voilà. C'est comme ça la mentalité de ces gens. Comment est-ce que vous voulez faire société avec des gens pareils? On ne peut pas avoir confiance. Car Asur l'Ixol Migoy, car il est interdit de voler un Goy. Mais Taoud Goy, s'il y a eu une erreur du Goy, Moutar, c'est permis. D'accord? C'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit de voler un Goy, mais s'il a fait une erreur, le Goy, la banque s'est trompée, ah, dis rien. La banque s'est trompée, ici. Dis rien. Comme il est marqué dans le Shulchan Aruch. Alors regarde. Il est interdit de voler même un tout petit peu d'un goy, que ce soit d'un Israël, même de quelqu'un qui sert les étoiles, c'est-à-dire de quelqu'un qui est Oved Kochavim. Et ainsi, on pourrait dire qu'il est interdit de tromper les goyim. Interdit de tromper les goyim. Mais si le goy s'est trompé de lui-même, charrer, c'est permis. Il y a un prédicateur talmudique qu'on a déjà passé ici, le Rav Ronchaya, le rabbin Ronchaya. Il change de métier et il met des tuiles sur les toits. Ok, alors il met des tuiles sur les toits comme ça, et un jour, il y a un grenier qui est en train de faire les tuiles sur le toit, et il farfouille un peu, du coup il voit un trésor, des pièces d'or, beaucoup de pièces d'or. Bon, ça ne lui appartient pas, ça appartient à un cousin, Mohammed Al-Yassouf, d'accord. Il n'y a pas quoi faire, il va voir le rabbin, il lui dit, je trouve un trésor, qu'est-ce que je fais? C'est dans le grenier, ça appartient au propriétaire du grenier. Tu vas voir Mohammed Eliassouf, tu lui dis, j'ai trouvé un trésor, il vous appartient. Tu vas voir Mohammed Eliassouf, il lui dit, arrête de m'embêter avec ces histoires, fais-moi les tuiles, tout ça, ça ne m'intéresse pas, allez, il n'y a pas de trésor là-bas. Il va voir le rab lui dit, il me dit qu'il n'y a pas de trésor, je ne vois pas qu'il y a un trésor, tu n'as pas le droit de le prendre, tu vas lui dire, il y a un trésor, d'accord, prends-le, il te revient. Il va voir Mohammed Eliassouf, il lui dit, tu as un trésor, il te revient, c'est pas à moi, c'est à toi. Écoute, mon cher ami, il n'y a pas de trésor. Et même s'il y en a un, je te le donne cadeau. Voilà, il est pour toi. Alors le Rav, s'il a dit comme ça, c'est bon. Qui est considéré, il vit en Israël, hein, il vit à Jérusalem, qui est considéré à Jérusalem comme un centriste, en fait. Les gens, quand ils l'écoutent sur Internet, parce que c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup sur Internet en langue française pour faire ses idioties, là. Nous, on le voit comme quelqu'un, limite, d'extrême droite. Mais en fait, en Israël, c'est quelqu'un de... C'est un orthodoxe classique, d'accord. C'est même pas ultra orthodoxe, d'accord. Cette personne, lorsqu'il enseigne comment est-ce que on doit traiter la calomnie, lui, il fait une distinction très claire entre est-ce que la calomnie est dirigée envers le juif ou est-ce que la calomnie est dirigée envers le goy. On va passer d'ailleurs l'extrait. Si la personne qu'on voit est un sadique, quelqu'un qui est d'habitude irréprochable, même si ça tend plus vers le mal, il y a l'obligation de le juger favorablement. Si ce n'est pas un tzaddik, c'est un homme kacham, comme j'ai dit auparavant, donc l'obligation, elle est que si c'est équivalent, si ça penche plus vers le mal, il y a une mesure de piété, ce n'est pas obligatoire, mais une mesure de piété de le juger aussi favorablement. Et si c'est un rachat, un mécréant, alors même si ça tend plus vers le bien, il y a une fois de le juger mal, d'accord. Un mécréant, l'enfonce encore plus, un vrai mécréant, d'accord. Une ordure, d'accord. Alors là, même s'il fait une chose de bien, il faut dire non, certainement, il faut essayer de voir le mal qu'il y a là-dedans et le juger mal. Finalement, l'extrait, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que si vous êtes un juif et qu'on entend de vous, ah, apparemment, je ne sais pas, lui, un tel, ça sera un voleur. Ah, mais non, c'est un juif. Vaut mieux assumer que, en fait, le juif en question, il est propre sur lui, pas de problème. Si c'est un goy, attention, c'est différent. Si c'est un goy, la même information, on peut assumer que l'information sans preuve, erronée, elle est vraie. Voilà. Je vous rappelle quand même que les juifs, en tout cas ceux qui suivent le Talmud, nous traitent, nous chrétiens, nous considèrent comme vraiment comme des moins que rien à cause d'une histoire de polythéisme. D'accord ? Ils nous considèrent comme des polythéistes parce qu'on croit à la Trinité. Voilà. On enregistre cette émission le dimanche. D'accord ? Comme tous les dimanches, on a récité le credo. Hein, je crois en un seul Dieu. On le répète tous les dimanches. Hein, mais eux, vous savez, c'est des gens, faut pas trop chercher avec la logique. Ils sont fâchés avec la logique. D'accord ? On croit en un Dieu, en trois personnes. On le répète tous les dimanches, mais selon eux, attention, les chrétiens, c'est pas vraiment comme les musulmans, c'est pire. En fait, les juifs ont été traumatisés par ce qu'en ont dit les rabbins à propos de nous. Et il y a une sorte d'entretien de la haine, pour le coup de la vraie haine, des rabbins talmudiques envers les chrétiens en particulier, bien plus qu'envers les musulmans, pour deux raisons. D'abord, l'assassinat du Christ par les juifs, il faut en parler. Deuxième raison, les conversions. Ils veulent absolument, ces rabbins, conserver les juifs dans leur rang. Et les juifs qui se convertissent à l'islam, on n'a pas beaucoup, d'accord? Alors que les juifs qui se convertissent au christianisme, ou qui ont ce potentiel, il peut en avoir un certain nombre. C'est pour ça que nous sommes spécifiquement visés. C'est pour ça que cet Américain, il n'a pas cherché à faire... cet Américain, avec des guillemets, hein, ce Texan, j'ai envie de dire, il n'a pas cherché à faire ses idioties dans une mosquée, d'accord? Il vise spécifiquement les chrétiens. Alors si en plus ils sont catholiques, alors là, je ne raconte même pas. Voilà. Les minorités qui sont installées en Israël, donc il y en a, on va dire, quasiment deux entre les chrétiens et les musulmans, il n'y a pas beaucoup d'autres minorités religieuses en termes de nombre, sont traitées de manière extrêmement différente. Les musulmans, déjà, ils sont dans des quartiers un peu à part. D'accord. l'Israël a été géré un peu comme une colonie britannique. Les Britanniques, ils font des quartiers un peu à part. Pas comme nous en France, on cherche à faire de la fameuse mixité sociale. En mixité sociale, c'est un mot valise pour dire on va mettre des Français avec des Arabes. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ah, bizarre, des fois, ça se passe mal. Pas de bol. Non, les Britanniques, ils fonctionnent différemment. Ils fonctionnent en termes de quartier. L'exemple typique, c'est Chinatown. Il n'y a pas de Chinatown en France. À Paris, hein, le 13e arrondissement, c'est pas un Chinatown où il y a, à partir de telle rue, c'est le jour et la nuit, d'accord? Vous rentrez dans le 13e, vous voyez peut-être deux fois plus ou trois fois plus d'Asiatiques. Mais c'est pas le jour et la nuit comme ça peut être le cas, dans votre Chinatown que vous trouvez à New York ou à Londres, etc. Voilà. Donc, les musulmans qui sont installés en Israël, ils sont à part. Les chrétiens qui sont installés en Israël, ce sont soit des missionnaires qui sont installés, il n'y en a pas beaucoup non plus, d'accord? Ou soit des juifs qui se sont convertis. Donc ils sont un peu mélangés. En tout cas, ils vivent avec la population locale. Et ça se passe pas très bien. Les musulmans, eux, quand ils veulent faire des méfaits, on les voit en plus. On les voit venir. Les chrétiens qui sont installés en Israël, et là, ça a été relayé justement par ce fameux article du Times of Israel, on parle de gens qui sont vraiment persécutés, qui ne peuvent plus sortir chez eux, qui sont battus. La police, elle ne vient plus. Ou alors, quand elle vient, elle fait pas d'enquête. Il y a pourquoi faire une enquête? Ce ne sont des goyim. Vous voyez, c'est ça le raisonnement. On parle de femmes qui sont agressées dans la rue, on parle de femmes qui sont violées, des fois on parle de meurtres, ça va assez loin. Et en termes de nombre, Israël, c'est pas un pays qui est très très grand, il n'y a pas une très grande population non plus. Il y a des crimes à répétition qui sont quand même opérés, spécifiquement envers une minorité. Et si on rajoute ça avec ce que nous a enseigné Dédé il y a quelques instants, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont un esprit mal placé, qui peuvent trouver une justification morale abjecte à tous ces crimes. La place de la religion à nouveau en débat en Israël. Deux rabbins ultranationalistes ont été arrêtés pour incitation à la violence et au racisme. Dov Lior et Yaakov Yosef ont signé un traité de théologie très controversé, la Torah du roi. Un texte qui justifie l'exécution d'innocents non-juifs en temps de guerre. Le spectre de la théocratie plane sur l'État hébreu, où en l'absence de constitution, la religion et l'État ne sont pas clairement séparés. Ils sont quelques centaines à prendre d'assaut la Cour suprême israélienne, venus pour protester contre l'arrestation de deux rabbins, Dov Lior et Yaakov Yosef. Les deux religieux ont été brièvement interpellés pour avoir accordé leur soutien sans réserve à un livre sulfureux, La Torah du roi, publié en 2009 mais dont la diffusion a été interdite. L'auteur y justifie l'assassinat de non-juifs dans certaines circonstances. Partout où l'influence des gentils constitue une menace pour Israël, il est permis de les tuer. Pourtant, ce ne sont pas ces mots qui font le plus débat en Israël, mais bien l'arrestation des rabbins. À mon avis, l'Américain est plutôt new-yorkais que du Texas, hein, parce qu'il y a 2 millions de juifs à New York. Sinon, juste, Bobby, tu avais dit que Saint-Louis, c'était Louis XIII, c'est Louis IX. Pardon, excusez-moi. Pour revenir, oh, non, c'est un détail de l'histoire. Sinon, juste pour revenir sur la définition d'antisémite, il y a Ajo Meyer, donc un juif qui a fait 10 mois dans le camp d'Auschwitz, hein, qui a été interné pour sabotage, hein, comme c'est bizarre. Et lui, il a un peu donné une définition d'antisémitisme, c'est assez intéressant. Il dit « Avant, un antisémite était quelqu'un qui détestait les juifs. Mais de nos jours, un antisémite est quelqu'un qui est détesté par les juifs. » Donc voilà, on en revient toujours au même. En fait, c'est les juifs qui vont eux-mêmes décider hein, qui est antisémite ou pas. Donc en gros, qui soutient les juifs n'est pas antisémite, qui ne les soutient pas est antisémite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, donc vous avez soulevé des bons points tous les deux. Déjà, sur le thème du Rav Ronchaya, c'est vrai qu'il faut se rendre compte que c'est quand même un Rav, c'est-à-dire au-dessus du rabbin, en fait. Ça ne veut pas dire rabbin en hébreu ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu l'équivalent, entre guillemets, d'évêque. Quoi. C'est un grade au-dessus, quand même, qui est encore plus respecté, plus de matière d'enseignement, etc. Donc c'est bien de dire qu'il est considéré comme centriste en Israël aussi, parce que c'est un petit peu comme si, je sais pas, en France, là, on aurait au diocèse de Paris Monseigneur Lefebvre ou Monseigneur Gérard Delaurier qui donnerait des cours à l'université, je veux dire, tout à fait publiquement, etc. Ça serait un petit peu ça l'équivalent pour dire à quel point ils sont encore, d'une certaine façon, traditionnalistes, on va dire. Et après, sur la multiplicité des dieux, en effet, les chrétiens ne croient en qu'un seul dieu, mais les juifs et les musulmans, d'ailleurs, les deux réunis, ont tendance à nous voir comme des polythéistes à cause de la Sainte Trinité, entre autres. Il y a aussi les saints tout court, d'ailleurs, puisqu'on s'en sert d'intermédiaire pour atteindre Dieu, pour nous adresser à Dieu. Donc ce sont un petit peu, en quelque sorte, des strates, s'il faut les voir comme ça, où on peut s'adresser directement à Dieu, comme dans une confession, comme on peut également passer par des petits chemins, dont celui essentiel qui est la Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, co-rédemptrice, qui a un second rôle très, très grand. Et pour ce qui est du communautarisme, je suis d'accord avec toi, Bobby, c'est vrai qu'on se préserve un peu plus de cette façon. Donc c'est dans la mentalité anglo-saxonne, je pense même germanique, un peu plus racialiste et tout. T'as un petit peu moins ça chez les pays latins ou méditerranéens, même si ça existe et que c'est un principe qui peut tout à fait être exporté, exportable. Mais il y a quand même un petit point qui me gêne là-dedans. Non pas que je sois cosmopolite, je préfère quand même un communautarisme pour se préserver plus que de faire un micmac complet avec la mixité sociale et tout ça, ouais, qui a une mixité raciale, qui ne dit pas son nom et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant d'une certaine façon d'abandonner des quartiers entiers si ce ne sont pas des villages à d'autres populations, quoi. Donc bon, après on en revient toujours au même, où voilà, quand il y a un gentleman maghrébin qui dit quelque chose, on veut bien soutenir son propos, mais toujours est-il que sur le papier, on aimerait bien que nos murs soient 100% blancs, n'est-ce pas ? En islam, le terme exact pour nous désigner, c'est celui d'associateur. Parce que voilà, nous les chrétiens, nous sommes des associateurs qui associons Dieu, donc Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. D'ailleurs, il y a un autre point commun avec les juifs. T'en as parlé tout à l'heure, Bobby, là, enfin, via un peu les citations du Talmud, que les juifs, ils ont le droit de mentir au goy pour parvenir à leur fin. Mais en fait, en islam aussi, il y a un principe comme ça qui s'appelle la tahria. Alors, il faut le dire en vomissant, hein, sinon c'est taqiya, c'est pas en arabe, donc la tahria, qui est le principe que le musulman a le droit de mentir au dhimmi. Donc, c'est pas le goy, c'est le dhimmi, pour parvenir à sa fin qui est le djihad islamique, donc l'imposition de la charia, en fait, hein, sur le sol musulman, sachant que le sol devient musulman. Tu as musulman. Le koufar aussi, l'ami. Ouais, le koufar. Il y a le dhimmi, ouais. Et le wesh koufar et bâtard. Sachant que le sol devient terre d'islam à partir du moment où le musulman met un pied dessus, quoi. D'un point de vue purement historique, la conquête de différentes terres d'islam s'est souvent passée comme ça, d'ailleurs. Les musulmans s'installent, ils sont minoritaires, ils pratiquent la tahiyya, hein, d'accord, Dédé pourra me corriger si ma prononciation est hasardeuse, pour éviter finalement de dire qu'est-ce que contient le Coran, sinon c'est très simple, hein, le Coran c'est convertissez-vous ou alors vous allez en subir les conséquences. Donc ils camouflent ça à travers leur demi-vérité, ou plutôt demi-mensonge, hein, c'est plus juste de le dire ainsi. Et ensuite, ils deviennent de plus en plus nombreux, et lorsqu'ils deviennent minoritaires et qu'ils obtiennent des postes clés, la tahiyya s'efface, et là on obtient la vraie nature de l'islam. Si vous pensez que ce que je raconte est des bêtises, moi j'ai un défi pour vous. Voilà. Citez-moi un seul pays musulman au monde, n'importe lequel, d'accord, dans lequel les minorités chrétiennes sont relativement bien traitées. D'accord ? Bah, la sunnite, France. Hein. Ouais, voilà. Et encore, c'est à moitié faux, du coup. Oui, les sociétés qui les protègent un peu avec sa minorité, ce sont ceux qui ont une relative laïcisation, comme Saddam Hussein, Bachar al-Assad, etc. Mais bon, après, encore, on parle déjà de groupes religieux qui sont soit écartés du sunnisme, ouais, c'est les chiites, là, plutôt. Pour ne pas dire complètement chiites, ou alors soit qui ont, par exemple, quand on parle de la Syrie, qui ont quand même une accumulation de différentes minorités qui fait qu'il n'y en a pas une qui se dégage quand même plus particulièrement qu'une autre. Donc, en tout cas, pour les pays sunnites, ça ne fait pas un pli, quoi. D'accord ? C'est réglé. Si vous êtes chrétien en pays sunnite, vous êtes soumis. Forcément, vous êtes soumis. Vous payez même un impôt. Vous devez payer l'impôt révolutionnaire à l'islam. Pourtant, il y en a beaucoup des pays musulmans. La religion d'État, c'est quelque chose qui s'est effacé en Occident. Dans le monde, en général, il y a quand même beaucoup de pays qui sont restés avec l'islam, en tout cas, comme religion d'État. D'accord ? Et donc, quel choix ? Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un où les chrétiens sont considérés comme des citoyens à part entière. Ça n'existe pas. Alors, pour cette histoire de Texan, ou je sais pas si cet Américain venait du Texas. De New York, mec. Ou de l'État de New York, je ne sais pas. Moi, ce que je vois dans la presse de plus en plus, c'est ce que les journalistes ils essayent parfois de camoufler un peu des choses. Voilà. Vous savez, il y a des rixes, d'accord, les fameuses rixes. Moi, des fois, je lis un peu la presse, je vois des rixes, très très interpellé par quand je vois ce mot, des bagarres avec des jeunes. Alors quand c'est des jeunes, maintenant les gens ils ont compris. Voilà, les jeunes, bon d'accord, on a compris qui étaient ces fameux jeunes. Voilà. Et quand je vois des rixes, je m'intéresse un peu et des fois je vois des rixes avec des Normands par exemple, des Auxerrois, des trucs comme ça. Alors du coup je me fabrique des images dans ma tête. J'imagine par exemple, je sais pas, des Vikings avec des cheveux blonds qui agressent des vieilles dames dans la rue. Voilà. Des Cohen quoi. J'imagine des Vercingétorix, tu vois. J'imagine Vercingétorix qui va agresser comme ça les petites mémés au pied des HLM. Voilà. Et en fait, ces gens, ils sont normands. Ils sont normands parce qu'ils habitent en Normandie. Les journalistes ne sont pas tenus de donner les noms de famille, d'accord, c'est une maison des soucis. Par contre, on voit que les fameux normands, ils s'appellent souvent Mohamed, genre de trucs. Donc, faites attention quand vous voyez des Normands, des Auxerrois, des Alsaciens. Moi, j'imagine, j'ai vu ça beaucoup, des Alsaciens dans des quartiers pas possibles de Strasbourg, le Neudorf, par exemple. Bon, on sait qui sont ces Alsaciens, d'accord. Ne leur demandez pas une flamencuche, ces gens-là, ils ne savent pas ce que c'est. En plus, il y a des lardons, alors attention, faites attention à ce que vous demandez. Les touristes français ont très mauvaise réputation à l'étranger. À tel point que dans certains magasins, par exemple en Australie, il y a écrit interdit aux chiens et aux Français hein, à l'entrée du magasin. En fait, ça, c'est pas que ça cible les Français, les Blancs, en fait, c'est que ça cible les Mahométans, les Congoïdes, enfin tous les métèques que la France accueille. Quand ils partent en vacances, bah, reproduisent en fait les mêmes schémas qu'en France, dans des pays où ils sont pas forcément habitués à ce degré de délinquance, de violence, d'incivilité. Voilà, on en passe, on passe sur tout ça, mais. Voilà, on n'est pas bien vu à l'étranger à cause de nos chers petits cheveux crépus. À cause de nos étrangers. Première fois que je me rends à Londres, d'accord, il y a un Africain qui hurle un truc pas possible en langue française, j'ai même pas compris ce qu'il disait. Les Britanniques qui entendent ça, qui étaient derrière moi. Donc le monsieur était agressif, je sais pas trop ce qui baragouinait, d'accord. Peut-être même ce qu'on ne connaît pas, mais c'était en français, d'accord. Et le couple britannique qui était derrière moi se consulte. Un digne représentant de la francophonie. Non, mais ils étaient sérieux, en plus. Plus rien de l'esquire, du coup. Non, mais les mecs, c'est même pas d'être ironique. Ils les ont entendus se dire, en anglais, ah, c'est français. Voilà, c'est réglé, quoi. Pour nous, les Français, maintenant, c'est pour eux, c'est des Africains. D'ailleurs, les Britanniques, pour nous, c'est des plaquis. Donc, comme ça, c'est de bonne guerre. Je voulais rebondir aussi sur un élément qui était apporté par Rex. C'est vrai que nous, on va pas s'amuser comme ça à agresser des juifs dans la rue sans aucune raison. Moi, je vous le dis, hein, même si j'étais au pouvoir, etc., malgré tous les griefs qu'on pourrait trouver contre les uns et les autres, j'irais pas comme ça agresser des gens gratuitement. Pas gratuitement, ça n'a aucun sens, d'accord ? Juif ou pas juif, d'accord ? Je constate que lorsque, par exemple, des synagogues sont vandalisées en France, faut souvent essayer de choper l'info quelques jours après. Parce qu'on se rend compte que c'est souvent des rabbins qui crient à l'antisémitisme et qui se font choper, parce qu'ils sont pas très malins dans leur méfait. Mon exemple préféré, c'était l'époque où Patrick Boivre d'Harvard, d'ailleurs, était encore au journal 20h, et on voyait qu'il y avait une histoire bidon où un juif avait laissé une messagerie de « oui, sa juge est tuée », etc. Et en fait, sur son propre téléphone, il avait fait lui-même. Donc à force de quelques temps de détention, de garde à vue, il a fini par avouer avoir tout inventé lui-même, etc. Je me souviens de cette juive qui avait été agressée dans le métro parisien, qui avait hurlé à l'antisémitisme. Non, j'ai été attaquée parce que j'étais juive, et puis les mecs auraient dit ou fait ceci et cela. Trois jours après, ça a fait la une des infos pendant trois jours. Vous savez, le président, il se rend sur place. Hein. Quand un juif est attaqué, c'est toute la République qui est attaquée. Et comment accepter que dans certains établissements, collèges ou lycées, on ne puisse pas enseigner ce qu'est la Shoah? Comment on peut accepter qu'un gamin de 7 ou 8 ans dise à son enseignant, quand il lui pose la question « Quel est ton ennemi ?» et qu'il lui réponde « C'est le juif ». Quand on s'attaque aux juifs de France, on s'attaque à la France et on s'attaque à la conscience universelle. Ne l'oublions jamais. On n'arrête pas de nous harceler, nous, petit peuple de France, sur des soi-disant agressions antisémites, qui sont pratiquement toujours des fausses agressions. Pratiquement tout le temps. Hein, RER, l'histoire du RER, l'histoire du rabbin Fari, l'histoire du local qui avait brûlé, l'histoire de l'école en banlieue qui avait brûlé, ce sont systématiquement des fausses agressions des escroqueries à l'assurance, des trucs mensongers. Agression antisémite dans le RER, une jeune femme prise à partie sous les yeux des autres voyageurs qui n'ont pas bougé, un acte infâme qui suscite la condamnation de toute la classe politique, appelle à un sursaut républicain contre toute forme de racisme. En quelques heures, la jeune mère de famille du RERD est donc passée du statut de victime à celui de suspect. Placée en garde à vue cet après-midi, elle a finalement avoué avoir inventé tout ou partie de l'agression pour laquelle elle a porté plainte. Tu serais quand même pas en train d'émettre un lien entre judaïsme et mensonge quand même là, mon cher Bobby. Ça serait un peu genre de café. Ah, j'oserais pas. Non, mais je respecte tellement cette religion. Bien sûr que non. Par rapport aux actes de vandalisme qui sont opérés en Israël et dans la ville de Jérusalem en particulier, il y a un phénomène... En Palestine occupée, un phénomène qui s'appelle le price tag, d'accord ? Voici un exemple de ce que certains appellent la politique du prix à payer. Des hommes masqués, vraisemblablement des colons israéliens, qui foncent droit vers un agriculteur palestinien isolé. Ces violences sont souvent des actes de représailles après une décision du gouvernement israélien contre la colonisation. Donc en fait, ce sont des juifs un peu zélés, généralement ce sont des colons, qui décident, à Jérusalem par exemple, ou dans tout l'État, de s'en prendre à des innocents en réparation ou en vengeance d'un acte qui aurait été commis à travers un juif. Mais des gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'acte en question. Voilà. Il y a je ne sais quel juif, je ne sais pas à qui se prend une gifle, dans le nord du pays pour je ne sais quelle raison. Réaction, ils vont dégrader un cimetière chrétien parce qu'il y aurait eu un chrétien qui serait initié dans l'affaire. Voilà. C'est un phénomène qui est extrêmement courant en Israël, le price tag, d'accord ? Alors, les rabbins qui sont un peu plus à gauche, et qui, quand ils sont interrogés là-dessus, ils sont assez embarrassés, donc ils font le minimum légal, hein, vous savez, non, faut pas, ça c'est trop, nous rejetons ça, voilà. Par contre, en fait, finalement, ça colle tellement bien au Talmud que ça passe, d'accord ? C'est un phénomène qui n'existe que dans un seul pays au monde, c'est pour une raison très simple, c'est que ça peut coller avec leur interprétation qu'ils en font du Talmud, voilà. Et dans les autres pays, n'importe quel autre pays, il y a quand même une notion morale universelle qui est établie. On ne peut pas attaquer un innocent comme ça sans aucune raison. Voilà. Sauf, voilà, charrer pour un goy, c'est permis. Du coup, ce n'est pas étonnant, vu qu'ils ont une vision ultra communautaire du monde, vraiment une hypertrophie du communautarisme. Mais en fait, quand un juif se fait agresser par un membre d'une autre communauté, ben en fait, c'est toute la communauté qui doit en payer le prix. Donc, bon, ben, ils ne vont pas chercher, l'auteur du méfait en question, si c'est un méfait d'ailleurs, hein, parce que bon, comme on disait tout à l'heure, le mensonge juif, hein, l'imagination juive est assez fécond, mais du coup, bah, on va prendre le voisin qui est accessible tout de suite à la portée de main, entre guillemets, et c'est lui qui va payer pour le méfait, quoi. Voilà, c'est un peu cette hypertrophie du communautarisme que nous, en tout cas, on ne prône pas. Le communautarisme, oui, mais sain et chrétien, pas ce communautarisme juif bah, complètement débile en plus. Quoi. Qu'est-ce que tu veux construire une société stable, saine, avec ce type de comportement ? C'est psychotique en fait. Psychotique, je crois, c'est le mot qui convient très bien. Voilà. Parce que même les musulmans qui appliquent aussi la loi du talion, d'accord, œil pour œil, dent pour dent, de manière assez stricte, ne font pas ce genre de choses. D'accord. Et moi, je serais peut-être impitoyable envers des coupables, mais contre les innocents, ça n'a pas de sens, d'accord ? Ils ont un sens assez, voilà, assez variable, c'est une morale variable. Vous êtes qui ? Vous êtes goy, machin ? Vous êtes juif ? Ok, je vais appliquer ma morale en fonction de ce que vous êtes. C'est ignoble, c'est abject. Voilà, pour plus d'infos, vous tapez price tag sur Wikipédia. La version anglaise est assez fournie, et vous verrez que c'est assez commun. Voilà. Alors, vous savez, les gens ils vont dire, oh là là, Bobby, il fait encore sa pub, même en cours de l'émission. Non, promis, c'est pas ça. Vous savez que nous sommes présents sur Gab et sur Odyssée, entre autres, et à partir de maintenant, on prendra, si la question est intéressante, on prendra quelques questions des auditeurs, si jamais aussi on a un peu d'inspiration, hein, ça peut être variable. Donc on va commencer par une question qui nous a été posée par Vi, qui nous dit bonjour, qui nous dit blablabla, je passe un peu, j'arrive directement à la question. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est comment vous expliquez toutes les personnes que la religion catholique a brûlées sur les bûchers, parce qu'ils étaient considérés comme des hérétiques. Point d'interrogation, merci pour l'émission. Rex, est-ce que tu veux répondre par exemple à cette question ? J'aurais un élément aussi à porter, mais je l'apporterai après. Donc oui, pourquoi est-ce que dans le christianisme, il est arrivé que l'on brûle les hérétiques? Puisque après, c'est selon certaines périodes et des périodes troubles, c'est évident que s'il n'y a pas de problème de révolte, trop d'hérésie ou des choses comme ça, ce sera moins pratiqué. Donc voilà, c'est pas comme si 100% du temps on fout des gens sur le feu. Alors pourquoi nous foutons des gens sur le feu? Déjà parce que c'est drôle et qu'on peut faire des barbecues entre potes, pour commencer. Mais plus sérieusement, faut distinguer certaines choses parce qu'il y a l'inquisition espagnole, par exemple, avec Torquemada, entre autres, comme personnalité connue, l'inquisition ecclésiastique, qui sont deux choses différentes. Là où, dans la première, c'est plus l'État espagnol et des religieux qui interviennent, alors que ça émane 100% de l'Église au niveau physique, quand c'est celle ecclésiastique. Ce qu'on peut dire pour éviter de voilà faire à croire un peu comme dans des films hollywoodiens ou que sais-je que voilà c'est un super une énorme boucherie systématique et tout ça non voilà comme je disais c'est selon certaines périodes des périodes troubles il faut savoir que le jugement est lent aussi c'est-à-dire que l'accusé a des chances de rémission il ne faut pas qu'il persiste dans son erreur qu'il s'entête qu'il continue à dire du mal ou des choses fausses concernant la chrétienté, entre autres choses. Et donc, c'est un jugement assez lent. Il y a quand même plusieurs convocations. Voilà, il faut vraiment le vouloir d'une certaine manière pour aller jusqu'au bout du bûcher. Autre point positif, si j'ose dire, c'est que l'ordre légal moderne que l'on a, on l'a aussi grâce à cette période de l'Inquisition qui a vraiment établi des normes juridiques bien précises. Donc quelqu'un qui fait l'éloge un peu de notre droit actuel, même le droit français, napoléonien ou que sais-je, celui-ci ne serait pas grand-chose et rien sans évidemment l'influence romaine, l'Empire romain d'abord, le christianisme en général et même cette période de l'Inquisition donc qui a contribué à vraiment à codifier voilà, des règles de normes morales et de société humaine, si j'ose dire. Donc voilà, là-dedans, c'est aussi pourquoi on légitime donc le fait de vraiment punir quelqu'un jusqu'au châtiment de sa vie. C'est sur le thème de la recherche du bien ou d'éviter un plus grand mal aussi. C'est-à-dire que si on laisse telle ou telle personne avec une grande surface et un certain charisme dire plein de choses, eh bien ça provoquerait un plus grand mal qu'on l'imagine. Ça peut créer des bah, un petit peu comme je veux dire les guerres avec les protestants dont on a assez abondamment parlé lors de l'épisode précédent. Voilà, une fois que il y a trop de troubles et qu'on n'a pas réglé le problème, d'ailleurs voilà si l'Espagne n'est pas trop n'est pas très protestante, c'est qu'il y a eu une entente assez immédiate pour le coup de massacrer immédiatement les moindres secousses qu'il pouvait y avoir de protestantisme dans leur pays. Là où, voilà, dans d'autres, on a laissé gonfler. En plus, avec Luther, ça venait à l'intérieur de l'Église. Voilà, il y a tout un contexte où, dès qu'on laisse faire, bah, finalement, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et à la fin, on se retrouve avec des guerres civiles pas possibles. Donc, on peut se dire que, d'une certaine façon, même quelque chose comme l'Inquisition espagnole a évité que les guerres de religion n'arrivent plus tôt, quoi, arrivent quelques siècles avant. C'est ce que l'on peut reconnaître. Et donc, je pense qu'en tant que catholique, il faut tout de même être fier de ces choses-là, même si, attention, aujourd'hui, je veux dire, c'est comme défendre les croisades ou des choses comme ça, faut plus le faire, surtout quand on est conciliaro-modernisto, je ne sais quoi. Mais voilà, il faut être plutôt fier du coup de ça, puisque ça préserve de grands mal. Ça a codifié voilà, notre monde juridique contemporain, qu'on le veuille ou non, et on s'en sert encore aujourd'hui, je veux dire. Et voilà, c'est mieux ça que de rester sans défense, je veux dire, par rapport à une dégénérescence actuelle ou des choses comme ça. Ou des choses comme ça, quoi, voilà. Là, sinon, on n'en a pas sorti, on n'en a pas fini. Mais voilà, sinon, le danger avec ce sujet, c'est que les gens n'y connaissent rien, à part les idioties de films sensationnels ou que sais-je. Sur la question de notre auditeur, je vais vous dire en toute honnêteté, moi j'ai été embarrassé la première fois que je l'ai lu, non pas par rapport à la question en elle-même, mais parce que si jamais on la pose dans ce sens-là, ça aurait été bien de la préciser, quel pays, quel siècle, ce genre de choses. Là, c'est trop global, donc j'étais embarrassé par rapport à ça. Sinon, la question de la violence, est-ce qu'il faut parfois utiliser la violence pour punir des crimes? Je suis pas du tout embarrassé par rapport à ça, d'accord? Je vais en parler, je vais développer. je suis pas du tout embarrassé par le fait de dire que personnellement, je ne suis pas un apologète de la liberté d'expression absolue. Alors, je sais que ça fait mauvaise presse et que dans nos milieux, on essaie souvent de dire « Ah, liberté d'expression, liberté d'expression ». Je veux plus de liberté d'expression, ça je suis d'accord avec vous, mais je veux pas de liberté d'expression totale. J'ai toujours été contre ça, c'est idiot. J'ai déjà entendu dans des manifs un peu de notre bord des gens qui veulent absolument liberté d'expression totale. Moi, je trouve ça n'a absolument aucun sens. Je suis pas pour que demain, Bernard-Henri Lévy puisse prendre la parole pendant une heure et demie et nous dire à quel point c'est génial que nos filles se fassent agresser sexuellement par des mahométans. Voilà. Ah non, liberté d'expression, il a le droit de s'exprimer, mais si on n'est pas d'accord. Non, ça, c'est pas mon délire. Donc, j'ai pas de malaise du tout par rapport à ça. Oui, tu as raison, c'est sur la liberté d'expression, en fait, c'est la question de la liberté du mal, en fait, et encore une fois, c'est un petit peu dans le thème de l'Inquisition, d'ailleurs, donc forcément, chez nous, un peu de personnes de droite nationale, ou un peu gilets jaunes, mais avec une mentalité encore démocrateuse, etc., donc ils se disent, le problème, c'est qu'on laisse pas nous exprimer, le populisme, machin, donc, mais oui, en soi, un catholique n'est pas pour la liberté d'expression, puisque ça voudrait dire, enfin, si elle est absolue, puisque ça voudrait dire pouvoir blasphémer tranquillement sans en subir aucune conséquence, entre autres choses. Pourquoi. Mesdames et messieurs, après ce discours d'une heure et demie d'Adolf Hitler, nous allons maintenant écouter George Soros aussi pendant une heure et demie. Voilà, ça c'est équitable. Non, ça c'est pas du tout mon délire. D'accord. Pour en revenir sur la question de notre auditeur, en fait on a l'impression que dans l'imaginaire collectif de nos contemporains, l'Inquisition, elle a brûlé, mais des millions de personnes, en fait. À les écouter, c'est une véritable Shoah par bûcher, en fait. Mais il faut savoir, enfin, aujourd'hui, l'Inquisition médiévale, déjà, ça a duré 3 siècles. Et il y a eu au maximum 10 000 morts. En fait, ça fait 30 à 40 par an dans toute l'Europe catholique. Donc, c'est pas non plus énorme. La Révolution française a fait plus de morts en un mois au nom de l'athéisme que l'Inquisition au nom de Dieu pendant tout le Moyen-Âge et dans toute l'Europe. Docteur en histoire Pierre Chenu. Et comme on disait, les procès étaient justes, étaient vérifiés, re-re-vérifiés, avant que la peine capitale soit prononcée. Bon, j'ai en tête l'exemple d'un Qatar. Voilà, il y a une grosse période d'inquisition pour lutter contre le qatarisme, qui était une hérésie. Et en gros, les meilleurs des Qatars, hein, donc les plus obtus dans l'hérésie, s'appelaient les parfaits ou les justes. En gros, ces justes-là, quand ils étaient pris, par exemple, à tuer un chrétien. Parce qu'ils n'avaient absolument aucune considération pour tout ce qui était matériel, mais vraiment à l'extrême. Donc ils ne se mariaient pas, ils ne travaillaient pas, du coup ils ne produisaient plus rien dans la société. C'était un vrai danger pour une société chrétienne stable et saine, justement. Donc ce cathare tuait un chrétien, donc il est attrapé par l'Inquisition, donc il le réprimandait, etc. Abjure ton hérésie, etc., etc. Si tu recommences, par contre, là, tu vas aller au bûcher. Donc le gars, oui, j'abjure, blablabla. Et en fait, une semaine après recommencer, il était rechopé. Et comme tout avait été enregistré dans des registres, etc., enregistré dans un registre, voilà, ouais, on est d'accord. Et bien, du coup, il était là, pour le coup, il était vraiment condamné au bûcher. Et en fait, il sautait dedans de lui-même pour prouver à tous que c'était un juste, un parfait, un bon cathare, quoi. Voilà, c'est un petit exemple. Alors que, par exemple, en terre protestante, donc ça fait un peu écho au deuxième épisode qu'on a enregistré, il y a eu 50 000 sorcières brûlées en 40 ans, quoi, juste au XVIIe siècle. Donc voilà, les chiffres ils sont quand même assez différents entre l'Inquisition catholique et la pratique du bûcher protestante. Luther avait des mots assez durs contre ce qu'il considérait comme des sorcières. Voilà. Notamment Jean Calvin. Hein. Jean Calvin, oulala, il s'est lâché. Hein. Alors je suis convaincu que l'Église en tant qu'institution est impeccable, d'accord. Maintenant, est-ce qu'il est arrivé aussi dans l'histoire qu'il y a des gens qui appartenaient effectivement à l'Église, des baptisés ou même des prêtres, qui ont abusé de leur pouvoir, qui ont déconné, qui ont fait n'importe quoi, qui étaient fous, qui étaient, sadiques, que sais-je, en fait, une liste comme ça. Complètement. Moi, je suis prêt comme ça à vous le dire, bien sûr. Donc, c'est pas magique, hein. Il suffit pas de recevoir le baptême ou le sacrement de l'ordre, pour que, comme ça, du jour au lendemain, on se transforme tous en Superman. Ça ne marche pas comme ça, d'accord. Même après avoir reçu tous les sacrements que vous voulez, on a tous un libre arbitre, d'accord. On peut tous faire des erreurs. Et si vous me dites qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont fait des erreurs à cette période, dans ce pays, et peut-être même qui portaient une soutane, eh ben, moi, je vous dis, ok, c'est tout à fait possible, je l'entends. Maintenant, la peine de mort. puisqu'en fait, c'est pour ça que ce sujet m'intéressait, c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce commentaire. D'accord. La peine de mort, en tant que chrétien, pourquoi est-ce que ça peut être une option? Je dis pas que c'est la meilleure des options, d'accord? On a parlé d'histoire de jugement. Pour les personnes qui sont vraiment obstinées, qui ne veulent absolument rien entendre et qui s'entêtent à vouloir faire le mal, la peine de mort, malheureusement, c'est une option qui doit être possible. Ça peut pas être, c'est pas une option souhaitable, d'accord? Mais ça peut pas être une option qui est à rejeter dans tous les cas. En tant que chrétien, qu'est-ce qu'on croit? On croit que notre âme, elle va finir dans deux endroits différents. Soit on va finir en enfer pour l'éternité, soit au paradis pour l'éternité. Et ça change tout, et c'est énorme. L'éternité. Essayez déjà d'imaginer dans votre tête, faites le jeu maintenant, actuellement, fermez les yeux, essayez d'imaginer maintenant 5000 ans de souffrance. Juste 5000 ans. Voilà. Même juste un mois de souffrance, tiens, par exemple. Truc plus simple. Un mois de souffrance à brûler sous le feu de l'enfer. Et encore, le feu de l'enfer, c'est qu'une des peines de l'enfer. D'accord? C'est même inconcevable. Alors, 5 mois, 5 ans, 5 siècles. Moi, je vous parle de l'éternité, maintenant. L'éternité à brûler dans l'enfer. Vous voyez bien qu'il y a quand même un destin supérieur à éviter. Il y a une des priorités à engager. D'accord? Donc, si jamais, par la faute de quelqu'un, une autre personne se retrouve à brûler pour l'éternité, en enfer, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, il vaut mieux mettre fin à sa vie terrestre si jamais ça peut empêcher un destin encore plus funeste. Voilà. C'est, encore une fois, je dis, c'est pas souhaitable. Mais il y a des gens qui sont dans l'histoire, qui sont vraiment entêtés, ils avaient comme ça pour but de faire le mal autour d'eux. Si à titre individuel, quelqu'un décide de, je sais pas, rejeter le christianisme. Voilà. Oh non, moi, le Christ, j'y crois pas, machin. C'est son droit. C'est d'ailleurs nous-mêmes, dans le catéchisme, on insiste bien là-dessus, sur le sacrement doit être participatif, d'accord? Si vous décidez, comme ça, je dis un truc absurde, votre voisin, il n'est pas chrétien, vous décidez d'aller chez lui de force et de le baptiser, par exemple, de force, ça n'a aucun sens, d'accord? D'ailleurs, il y aura pas, ça sera même pas un baptême, ça sera une parodie de baptême. Il faut que la personne veuille le baptême, d'accord? Si quelqu'un veut absolument ne pas croire au christianisme chez lui, c'est une chose. Attention, si, à contrario, la personne est dans un autre délire, à savoir, elle veut absolument faire rejeter le christianisme pour tout le monde, là, c'est différent. Là, c'est différent parce que ça engage quand même des âmes qui vont potentiellement finir en enfer pour l'éternité. Donc, vous voyez la priorité qu'on place au-dessus. Elle est quand même logique. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des peines temporelles qui sont appliquées. Voilà ce que je voulais rajouter. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer. Matthieu 18, 5. Une nature humaine, un libre arbitre. Dieu nous a donné le libre arbitre, nous ne sommes pas des robots, sinon ça serait sadique. Donc on a aussi la liberté de faire le mal. Certes, liberté de le faire le mal, il ne faut pas l'exercer, mais certains décident de l'exercer à tout prix, et s'entêtent là-dessus, et il faut la stopper. Par ailleurs, l'Église catholique enseigne dans son catéchisme, en fait, par rapport à la peine de mort, donc la chose suivante. Préserver le bien commun de la société peut exiger la mise hors d'état de nuire de l'agresseur. À ce titre, on a reconnu aux détenteurs de l'autorité publique le droit et l'obligation de sévir par des peines proportionnées, y compris la peine de mort. Voilà, au moins c'est clair, l'Église catholique est pour la peine de mort, bien sûr, dans certains cas, dans certaines mesures, etc., etc., toujours avec prudence. Bah, c'est une œuvre de justice, en fait, dans le sens où, par exemple, si dans une famille, un des enfants a été tué, eh bien, il est ça relève de la justice que le criminel soit châtié, en fait, parce que si ça ne l'était pas, qu'il était relâché immédiatement ou quelque chose comme ça, ça serait d'une telle injustice que on sait bien qu'il est dans la nature humaine où, voilà, peut-être que l'un des frères le vengerait et essaierait de le tuer à son tour et ça créerait une chaîne de meurtres parce que voilà, la famille n'a pas été apaisée, le criminel n'a pas de peine à purger, disons. Donc voilà, c'est une œuvre de justice aussi, des fois, de mettre à mort quelqu'un, bien que ce soit quelque chose qu'il faille éviter, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de circonstances graves. Si vous avez d'autres questions à nous poser, je rappelle, vous les posez sur Gab, vous les posez sur Odyssée. Des questions de fond, d'accord? Pas des questions personnelles ou des questions un peu farfelues, des questions de fond intéressantes. Et si on a un peu de temps, bah, on rebondira dessus. On va enchaîner sur le deuxième sujet, un sujet un peu rigolo, continuons les sujets rigolos. On va parler de la deuxième religion de France, en tout cas de manière officielle, l'islam. Parce que les Français, ils connaissent pas trop l'islam. Moi, j'aurais dit que c'était le catholicisme, non? Oui, c'est vrai, dans l'ordre officiel ou officieux, voilà. C'est ça. Alors, on va parler d'islam, d'accord? C'est une religion qui fonctionne avec des points, d'accord? Donc, c'est comme Super Mario, en fait. Vous collectez des pièces, comme dans Super Mario, et au bout d'un certain nombre de pièces, vous avez une vie. Bah, l'islam, c'est pareil. Voilà. Donc, il y a un musulman qui s'est illustré ce mois-ci, qui nous a expliqué comment est-ce qu'on va gagner des points quand on se rend aux toilettes. Donc, on va écouter ce qu'il a à dire d'abord, et ensuite, on va débattre. 5 choses à faire, 5 sunnas que chaque musulman peut faire quand il entre aux toilettes. Numéro 1, tu entres avec ton pied gauche. Quand tu entres aux toilettes, tu n'entres pas par ton pied droit. Numéro 2, avant d'entrer, tu prononces la dua, l'invocation qu'on dit avant d'aller aux toilettes. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Je sais qu'elle est un peu technique celle-là pour certains, on va la prendre ensemble, répète après moi. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Ô Seigneur, je me place sous ta protection contre les djinns mâles et femelles. Numéro 3, quand tu es aux toilettes, tu ne parles pas. Et surtout, même si tu éternues, tu ne dis pas Alhamdoulilah aux toilettes. On ne prononce pas le nom d'Allah là-bas. Numéro 4, quand tu sors des toilettes, tu es entré avec le pied gauche, et bien tu sors avec le pied droit. Rien de compliqué, ça peut te rapporter beaucoup si tu mets l'intention de suivre la sunna en le faisant. Enfin, le 5e, quand tu es sorti des toilettes, tu dis Rufranak. Ça, c'est facile à retenir. Rufranak. C'était sympathique, d'accord? On apprend des choses. Bon, alors, je veux pas faire du Charlie Hebdo, c'est-à-dire que je vais pas dire l'islam machin, parce que c'est facile. Mais alors, quand il y a des gens comme ça qui prêtent le flanc à des attaques de ce genre, j'ai envie de dire allons-y quoi, parce que là on a perdu 20 siècles là, on est back to the future, on est au 3e siècle, je ne sais pas comment ça s'est passé, on a beaucoup reculé. En tout cas, c'est certain. Bon, est-ce que vous avez peut-être une première impression à donner sur cette religion qui apparemment favorise les prières du caca? Mais écoute, moi, ma première impression, en fait, c'est, ça me fait penser à la halakha juive. Parce que chez les juifs aussi, il y a ce genre de truc. Par exemple, regarde, je prends un exemple. un juif qui a soif. Bon, avant de boire, il doit faire une bénédiction pour l'eau. Ça, c'est ce qui est très bien. Nous aussi, on le fait avant de manger, etc. Voilà. Mais il peut que faire cette prière de bénédiction s'il est sûr qu'il ne va pas aller aux toilettes dans les 72 minutes suivantes. Donc, dans la loi juive, donc la halakha... 72, hein, c'est précis, hein, pas 73, ouais, c'est, pas 64. C'est 12 minutes. C'est 72 minutes. Donc, j'imagine que les rabbins, ils ont dû en débattre pendant des mois avant de déterminer que c'était 72, mais c'est 72. Donc, le gars, en gros, s'il a envie d'aller aux toilettes, il a soif, il a envie d'aller aux toilettes, il doit faire sa prière avant de boire, et bien, il ne pourra pas la faire parce qu'il a envie d'aller aux toilettes. Il doit aller aux toilettes avant... faire ses rituels juifs, bah, des toilettes d'ailleurs, et après il pourra boire. Donc en fait, ça ressemble pas mal au truc des musulmans, quoi. À ce propos, pour faire attention quand on prie, de pas avoir besoin d'aller aux toilettes. Si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, il a le choix. Si je vous parle maintenant, je vais rater la prière si bourre en public, alors mieux vaut qu'il rate en public et qu'il aille se dégager et après la faire tout seul. S'il fait quand même la prière, alors est-ce que c'est la prière est valable, oui ou non? S'il arrive à se retenir 1h12, alors, bediaval, posteriori, sa prière était valable. Sinon, alors, s'il a besoin d'excréter, grand besoin, sa prière n'est pas valable, il doit refaire sa prière. Si c'était les petits besoins urinés, alors c'est un doute. Ça change rien, il doit refaire sa prière, mais il doit poser aussi une condition de dire. S'il n'a pas la vérité, je dois la refaire, que ce soit maintenant la prière que je dois refaire. Sinon, que ce soit une prière d'offrande. Par exemple, chez le juif, il faut prendre garde de ne pas trop forcer quand on est aux toilettes, car cela pourrait créer des problèmes au niveau du côlon. On ne doit pas avoir de pensées liées à la Torah lorsqu'on est aux toilettes. À la place, pensez à des choses banales, comme le commerce ou les affaires. C'est les mecs, c'est énorme, quoi. C'est... Direct. Le commerce ou les affaires. Bon, on doit bien se nettoyer après avoir été aux toilettes, car il est interdit de prier si le corps n'est pas complètement propre de toute trace d'excréments. Et à chaque fois que l'on sort des toilettes, même si l'on a à peine uriné, tu vois, c'est très précis, hein, s'il y a deux gouttes d'urine, eh ben, on rentre dedans. Hein. On doit bien laver ses mains. D'ailleurs, pour se laver les mains, c'est 3 fois sur la main droite et 3 fois sur la main gauche. Alors, à chaque fois, ils alternent, etc. C'est très codifié. Non, bah, tu voilà, déconnes, là. Comme chez les musulmans. Non, je déconne pas. C'est très codifié, comme chez les musulmans. C'est exactement pareil. Donc, ils vont passer de l'eau sur la main droite, puis ils passent l'eau sur la main gauche, puis sur la main droite, puis sur la main gauche, puis sur la main droite. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment, c'est très codifié. C'est comme chez nos amis mahométans, en fait. On retrouve pas mal de similitudes. Et en fait, c'est pas étonnant qu'on retrouve ces similitudes. On en parlait déjà tout à l'heure, le fait de pouvoir mentir au goy pour les juifs, au dhimmi pour les musulmans et la tahria. C'est qu'en fait, quand on remonte aux origines de l'islam, comme tu disais, on connaît plutôt mal l'islam, et ben on trouve des choses plutôt intéressantes. Donc en fait, l'islam, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une religion, enfin une pseudo-religion, hein. Donc la seule religion, c'est la nôtre, qui permet d'être liée à Dieu. Donc c'est une pseudo-religion qui a un livre saint, donc celui-là, on le connaît tous, hein, parce que forcément, dès qu'on y touche, il y a des émeutes pas possibles, donc il y a le Coran. Les musulmans, d'ailleurs, ils jurent toujours sur le Coran, hein, sur le Coran de la Mecque, blablabla. D'ailleurs, ils devraient peut-être dire sur le Coran de Médine, mais eux-mêmes ne connaissent pas bien leur histoire. Bref, c'est un détail. Donc est-ce que le Coran, du coup, c'est un livre d'amour et de paix? P-E-T-S pour le coup. Hein. Ouais. Donc dans le Coran, il y a 114 sourates qui sont classées de l'ordre de la plus longue à la plus courte et non par ordre chronologique. En gros, depuis le 10e siècle, donc il y a une école de théologie musulmane, enfin une école. Ils ont pas vraiment de... Comment dire? C'est pas comme nous, hiérarchisé avec l'enseignement, etc., via le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, etc. Mais ils ont une espèce d'école de théologie musulmane qui définit le Coran comme étant être la parole divine d'Allah. Autrement dit, le texte même du Coran est réputé être le corps même de Dieu. Donc c'est pour ça que par exemple, le musulman, on parlait des toilettes tout à l'heure, il n'a pas le droit de lire le Coran dans les toilettes. Du coup, c'est pour cela qu'il est interdit à l'intérieur de l'islam de critiquer ou de réfléchir sur les textes du Coran. Non, il faut les apprendre par cœur de manière mécanique. Donc cette même école de théologie musulmane, elle soutient la règle de la contradiction entre deux versets. Ah oui, parce que dans ces versets, il y en a qui sont contradictoires. Mais en gros, hein, ce qu'ils ont décidé, c'est que le verset le plus récent, donc là, au niveau chronologique, annule le verset le plus ancien quand il traite du même sujet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le musulman, il te dit, il va te sortir le fameux verset « Oui, mais tuer un seul homme, ça équivaut à tuer toute l'humanité. » Là, on est en mode « Waouh, mais c'est des grands humanistes et tout. » En fait, ça, c'est un verset ancien qui a été abrogé par des versets plus violents sur le sujet, mais on en parlera tout à l'heure de ces versets-là. Donc du coup, les versets tolérants du Coran, ce sont les versets dits de la Mecque, parce qu'à la base, Mahomet, il était à la Mecque, il a essayé de faire prendre son truc à la Mecque, mais ça n'a pas marché, du coup après il est parti vers Médine. Et donc, les versets de Médine, c'est les versets donc plus tardifs. Donc, ceux qui vont abroger ceux de la Mecque, dit les versets de la colère. Ce qui est intéressant aussi dans le Coran, c'est que le sort réservé aux femmes, en effet, voilà, le Coran, ça préconise de les battre quand celles-ci n'obéissent pas ou de les flageller en cas d'adultère. D'ailleurs, les châtiments, ils étaient transformés en lapidation à mort par les hadiths du prophète. Donc, qu'est-ce que c'est que les hadiths? Les hadiths, en fait, c'est toutes les paroles et les gestes effectués par le prophète, en tout cas, qui ont été mis sur papier par les compagnons du prophète qui vivaient autour de lui. En gros, c'est comme s'ils écrivaient un bouquin H24 sur ce que faisait et disait le prophète. Donc, on a des millions de hadiths, à tel point que bon, les scientifiques ont dit que le prophète, hein, il n'est pas prophète, hein, mais le terme usuel, on va dire que c'est ça, aurait vécu 40 vies pour pouvoir appliquer toutes les hadiths, ce qui est impossible. Mais en tout cas, la plupart des musulmans, en tout cas des sunnites, qui appliquent la sunna, la loi musulmane, ils vont se baser sur le Coran et les hadiths de Boukhari. C'est un peu les hadiths de Boukhari qui font froid, si j'ose dire, dans le monde musulman. Mon oncle a présenté à l'apôtre d'Allah le cas d'une personne qui pensait avoir lâché un paix durant la prière. L'apôtre d'Allah a répondu : il ne doit pas abandonner la prière, à moins qu'il n'entende un bruit ou qu'il sente quelque chose. Récit d'Abbas ibn Tamim, Boukhari 4, 139. Donc, en gros, dans les années 80, on a quand même eu quelques dirigeants politiques qui avaient lu le Coran. Il faut le lire, hein, le Coran, c'est intéressant. Et qui avaient quand même commencé à dire que ce n'était pas compatible avec la France. Bon, on pense à Jean-Marie Le Pen, etc. Dans la théologie islamique dominante, donc la théologie sunnite, hein, je pense que ça, à peu près 90% des musulmans sont sunnites. Après, voilà, il y a les chiites, et des soufis, des machins, des sectes un peu plus mystiques ou ésotériques. Donc, les musulmans doivent appliquer la charia. À partir du moment où ils sont majoritaires, ils doivent appliquer la charia, c'est une obligation, on en a parlé tout à l'heure. Et donc les infidèles, ils doivent soit se convertir, soit s'acquitter d'un impôt révolutionnaire islamique qui s'appelle le jizya, donc je dois mal le dire, hein, le jizya, peut-être que c'est un peu mieux dit comme ça. Mais en gros, qu'il y a un impôt de soumission, on a le droit de rester un soumis dans l'islam, un dhimmi, si on paie cet impôt. Et bon, par exemple, ce qu'il faut savoir, et c'est triste, c'est qu'en Angleterre, dans certains quartiers, il y a des charia polices. Donc des polices de la charia, donc ils font appliquer la loi coranique, ce qui veut dire qu'il y a même des tribunaux coraniques, c'est-à-dire que s'il y a un dilemme entre musulmans dans ces quartiers-là, et bah tout se règle au niveau auprès de l'imam, au niveau musulman, et non plus auprès des tribunaux civils. Bon, on va dire que chez nous, c'est pas mieux. Hein. Qu'est-ce qui a changé depuis les années 80? Bah, on a 15 à 20 millions de musulmans en plus en France, quoi. Donc bon, on va pas leur jeter la pierre. Alors, quelques extraits du Coran, pour savoir un petit peu où on met les pieds. Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru, frappez-les à la gorge. Quand les mois sacrés seront expirés, tuez les infidèles où que vous les trouviez. Combattez-les jusqu'à que la religion soit entièrement à Allah. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu sur la terre. Ô prophète, mène le combat, le djihad, contre les infidèles et les hypocrites, et sois dur à leur égard. Les chrétiens disent, le Christ est le fils d'Allah, qu'Allah les anéantisse. En gros, dans le Coran, il y a 6236 versets, hein, pour être exact. Et sur ces 6236 versets, il y en a 800 qui sont des injures et des malédictions contre les juifs. Bon, pourquoi pas les chrétiens et après les infidèles de manière générale. Ou encore des appels voilà, à la guerre, au meurtre, à la mutilation. Des choses assez, assez joyeuses qui vont dans le sens de la paix et de l'amour que nous prêchent tout le temps les musulmans. En gros, lorsqu'on ouvre le Coran à n'importe quelle page, franchement, vous avez presque une chance sur deux de tomber sur une malédiction, une menace. Ou un châtiment d'humiliation, ou une punition avilissante, quelque chose comme ça. Et du coup, bon, on s'est dit, ok, on a un peu lu ces sourates, qui ne sont pas vraiment des sourates de paix et d'amour, et on se dit, mais comment est-ce que cette religion, elle a pu se développer autant? Et il y a saint Thomas d'Aquin, donc voilà, qui est un grand docteur de l'Église, qui en a un peu parlé dans sa somme contre les gentils au XIIIe siècle. Voilà ce que dit saint Thomas. Mahomet a séduit les peuples par des promesses de volupté charnelle, au désir desquelles pousse la concupiscence de la chair. Lâchons bride à la volupté. Il a donné des commandements conformes à ses promesses, auxquels les hommes charnels peuvent obéir facilement. En gros, il reproche au prophète, hein, avec des guillemets encore une fois, Mahomet, de s'adresser essentiellement à des imbéciles. En fait, de vérité, il n'en a avancé que de faciles à saisir par n'importe quel esprit médiocrement ouvert. D'ailleurs, ceux qui, dès le début, crurent en lui, ne furent point des sages instruits des sciences divines et humaines, mais des hommes sauvages habitant des déserts, complètement ignorants de toute science de Dieu, dans le grand nombre l'aida, par la violence des armes, à imposer sa loi aux autres peuples. Fin de citation de saint Thomas d'Aquin. Il continue aussi. Donc Mahomet a entremêlé les vérités de son enseignement de beaucoup de fables et de doctrines les plus fausses. Il n'a pas apporté de preuves surnaturelles. Il a prétendu au contraire qu'il était envoyé dans la puissance des armes, preuves qui ne font point défaut aux brigands et aux tyrans. Aucune prophétie divine ne témoigne en sa faveur, bien au contraire. Il déforme les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament par des récits légendaires, comme c'est évident pour qui étudie sa loi. Aussi bien, par une mesure pleine d'astuces, il interdit à ses disciples de lire les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui pourraient le convaincre de fausseté. Donc en gros, via l'enseignement de leurs prophètes, ils n'ont pas le droit d'étudier autre chose que le Coran. Enfin, d'étudier, le terme non, est complètement biaisé, c'est pas d'étudier, c'est d'apprendre de manière mécanique. Bon, j'ai une petite anecdote, il y a un groupe islamiste en Afrique qui s'appelle Boko Haram, et en fait ça vient de, le terme même de Boko Haram, Boko, ça vient de book en anglais qui veut dire livre, et Haram ça veut dire interdit. Et en fait Boko Haram, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tous les livres sont interdits, sauf un seul, le Coran. Voilà, c'est un peu pour comprendre la mentalité de ces gens-là, quoi, par rapport à leur... Je crois que c'est surtout visé pour les femmes, d'accord, ce terme de Boko Haram, par rapport aux femmes qui ne doivent pas accéder à l'éducation. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, sur ce sujet précis, pour une fois, je suis entièrement d'accord avec Boko Haram, je vois pas l'intérêt que les femmes aient accès à l'éducation. Je le dis en toute honnêteté et sans troll, sans ironie, je vois pas l'intérêt. Mais bon, c'est peut-être le seul point commun que j'ai avec ces gens-là. Ouais, je suis pas d'accord, il faut quand même qu'elles sachent cuisiner, coudre, faire le ménage, la vaisselle, c'est une forme d'éducation. Cette éducation-là, je suis d'accord. Alors, mais alors, étudier les belles lettres... ou savoir la physique quantique, aucun intérêt, aucun. Non, après, c'est bien qu'elle soit quand même animée de notre civilisation et qu'on puisse se comprendre quand on a quelques références culturelles, locales, etc., tout de même. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas en faire des scientifiques de façon systématique et tout, déjà, que c'est foireux. Ouais. Je précise que c'est une conception personnelle. Hein. Je sais que Dédé et Rex sont un peu plus coulants, cette question-là. Moi, je suis un radical, même pas. Même pas connaissance historique, machin. Moi, je suis un radical. Je préfère l'assumer tout de suite. Zéro, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'arrête à l'école primaire et elle ne fout pas un pied au collège, quoi. Forcément, je vous assure, je suis pas du tout... je suis intégriste, complètement. Je suis pas du tout en train de déconner et ironique, quoi que ce soit. Mais bon, conception personnelle. Quoi, hein. Ah ouais, non, mais complètement, à 2000%. Mais bon, voilà. Encore une fois, conception tout à fait personnelle. Ok, bon, bah, on va en revenir, on va en revenir à l'islam quand même. Donc, lors de la prédication des évangiles, donc voilà, c'est donc la bonne parole, notre Seigneur, il a attiré à lui tout type de juifs, donc forcément, hein. Et il y a un groupe en particulier qu'on peut nommer les judéo-nazaréens, qui va le suivre au début, qui vont croire en lui, mais qui vont totalement l'abandonner quand notre Seigneur va mourir sur la croix. Il reconnaissait bien en Jésus le Messie, mais il ne pouvait pas accepter qu'il se fasse serviteur et qu'il meure au Golgotha. En fait, on trouve un peu d'ailleurs le non serviam, excusez-moi de Lucifer. Bien que vénérant Jésus, ils ont réinterprété son enseignement et sa promesse de sauver le monde. Selon ces messianistes, que nous appelons donc les judéo-nazaréens, Jésus aurait dû réaliser le programme de rétablissement de la royauté en Israël, de sa suprématie à venir sur les nations, tel que les méchants et les injustes seront vaincus et que le mal sera banni de la terre. Donc selon eux, Jésus n'a pas pu réaliser ce programme de son vivant, car il en a été empêché par l'impureté, enfin, par le mauvais comportement des juifs de l'époque. Par le dévoiement de la religion et par l'impureté du temple. Dieu aurait donc alors enlevé Jésus au ciel avant la crucifixion, en attendant que des circonstances plus favorables permettent son retour et la réalisation des prophéties. Ça d'ailleurs, enfin, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu l'islam, mais si vous connaissez la doctrine musulmane, les musulmans disent que Jésus n'est pas mort sur la croix, donc il n'a pas pu ressusciter, donc que c'est pas Dieu, etc., donc ce n'est qu'un prophète, mais qu'il a été enlevé avant, et que c'est un autre gars qui ressemble à Jésus qui a été sur la croix. Moi, j'ai envie de dire à ces musulmans-là, au pied de la croix, il y avait la Sainte Vierge Marie, que eux appellent Mariam, et Mariam, elle a très bien reconnu que c'était son fils, elle a très bien vu que c'était Jésus. Donc, on ne pourrait pas faire une espèce d'escroquerie à une mère qui a vu grandir son fils, qui l'a toujours suivi, serait-elle la première à voir que c'était un imposteur sur la croix, que ce n'était pas son fils. Non, voilà. Mais c'est un imitateur. Le mec, il a mis un masque et puis il a imité sa voix. Voilà. En fait, c'était Didier Gustin. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, voilà, donc ces judéo-nazarins, ils pensent que Jésus a été enlevé avant d'être crucifié, qu'il a été enlevé au ciel et qu'il va revenir sur terre, ce que pensent aussi les musulmans. Donc le temple, le fameux temple, hein, qui est le, le cœur du culte juif qui aujourd'hui a été détruit, donc il n'y a plus de culte juif, donc il n'y a plus de judaïsme. Bref, le temple, il est détruit en l'an 70 par les Romains. Sur les 3 millions de juifs de l'époque, il y en a 1 million qui sont exterminés par les Romains, 1 million qui deviennent chrétiens, qui se convertissent, et l'autre million, il reste juif et il se divise en plein de sectes, dont la secte pharisianique, talmudique, voilà, qui sont les héritiers aujourd'hui. Et dans cette secte, c'est 1 million, il y a la fameuse secte judéo-nazaréenne. Donc cette secte, elle forcément, elle fuit Jérusalem, hein, elle est plus très bien accueillie. Ils ont choisi un exil vers la Syrie, il me semble. Et ils se considèrent comme les seuls vrais juifs. Hein. C'est eux les seuls vrais juifs et ce sont les seuls vrais héritiers de Jésus. C'est-à-dire qu'ils considèrent mal les autres juifs et les chrétiens. Donc pour eux, Jésus doit redescendre sur la terre, sur le mont des Oliviers à Jérusalem, prendre la tête des armées judéo-nazaréennes pour libérer Jérusalem, rebâtir le temple, rétablir la royauté d'Israël et régner sur le monde. Bon, du coup, ils attendent, Jésus ne revient pas, il ne reviendra jamais, hein. Enfin, il ne reviendra pas en tant que Messie dans leur prophétie à eux, s'il était déjà venu en tant que Messie pour nous sauver du péché originel. En fait, du coup, ces gens-là, ils perdent espoir, et progressivement, ils viennent à se penser les instruments eux-mêmes du salut politique du monde, donc en portant eux-mêmes le projet messianique. Donc ils espèrent provoquer le retour du Messie, en reprenant le temple, en reconstruisant le temple. Parce que pour eux, s'ils arrivent à reprendre la ville de Jérusalem et à reconstruire le temple, les prophéties seront réalisées, donc le Messie va revenir. Sauf que les gars, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas très forts, ils ne sont pas bien formés, et ils se disent « comment on va faire ?» Eh bien, on va trouver des alliés. Et qui étaient ces alliés ? Dans la péninsule en Syrie, etc., dans la péninsule arabique, les alliés, c'était les Arabes. Du coup, ils s'allient avec des Arabes, avec leurs voisins arabes, et c'est là où ils rencontrent Mahomet, ce un peu un chef de bande, un chef de guerre qui pille des caravanes par-ci par-là, et ils vivotent un petit peu comme ça. Donc ils forment dans leur rang des prédicateurs de langue arabe pour leur transmettre leur espérance messianiste. Mahomet sera plus tard l'un de ceux-ci, donc il deviendra d'ailleurs le chef des Arabes ralliés. En gros, c'était le plus fort qui a réussi à défoncer tous les autres Arabes qui se sont alliés à sa cause. Donc, il a une forte impulsion avec sa communauté arabe, donc judéo-arabe, hein, avec les judéo-nazaréens. Ils vont réussir à reconquérir Jérusalem en 638 quand même, ce qui est pas rien, et à reconstruire le temple. Donc, c'était sous l'autorité du calife Omar, espérant ainsi faire revenir le Messie. Donc, les mecs, ils arrivent à reprendre Jérusalem, ils arrivent à reconstruire le temple, et bien sûr, il se passe absolument rien. Jésus, il revient pas. Donc, forcément, Mahomet et les Arabes, ils sont un peu vénères. Donc l'alliance judéo-arabe, elle va pas survivre à cette déception. Et à partir de ce moment, Mahomet, il a des paroles très très dures envers les juifs et les chrétiens. En gros, envers les judéo-nazaréens, mais que lui a assimilé à des juifs et des chrétiens. Et c'est à partir de ce moment-là que va se développer le futur islam. Donc en gros, ils tuent les chefs judéo-nazaréens et bannissent les autres. Ils font tout pour supprimer les termes même hein, de judéo-nazaréens, etc. Et c'est pour ça que dans le Coran ou la tradition islamique, si on peut parler de tradition islamique, on parle des prêtres ou des chrétiens, alors qu'en réalité, c'est des espèces de monstres hybrides, mi-juifs, mi-arabo-messianistes. Enfin, vraiment le truc dégueulasse. Des protestants, quoi. Ouais. Des anabaptistes transgenres, LGBT, Q++. Donc, ils deviennent donc anti-judéo-nazaréens, mais ne perdent pas autant la conviction messianique d'avoir été choisis par Dieu pour dominer le monde, comme le montre, selon eux, leur conquête fulgurante. Parce que du coup, les musulmans, ils disent que l'expansion de l'islam est un miracle en soi, alors que c'était fait par les armes, etc. etc. Bon, après, pourquoi pas hein. Donc, au sein de ces Arabes, il y avait bien sûr différentes factions, hein, avec beaucoup de conflits, mais malgré tout, il y avait un socle commun qui a fini par émerger, qui a créé vraiment cet empire. Donc, le rôle du calife, calife à la place du calife, hein, qui est lieutenant de Dieu sur terre, le livre sacré, donc le Coran, la révélation de Dieu à travers le Coran, etc., le prophétisme, bien sûr, et la ville sainte, qui est la Mecque. Malgré tous les conflits en interne, c'est le calife Abd al-Malik qui a fini par s'imposer par la force. Il fait reposer sa domination politique absolue sur l'établissement de la religion nouvelle, qu'il veut universelle, soumettant à son autorité divine les juifs, les chrétiens et les arabes du monde entier. On va s'intéresser aux 5 piliers de l'islam. Ça, je suis sûr que vous l'avez appris à l'école. Hein. Tirer du shit, c'est pas ça? Ouais, fumer du shit et surtout les Air Nike. C'est important. Hein. Donc, on a la profession de foi qui s'appelle la shahada, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'occidentaux, on n'a pas le droit de quand même subir une instruction chrétienne à l'école, parce que la laïcité, tout ça. Par contre, les cinq piliers de l'islam, effectivement, j'ai été obligé de les apprendre lorsque j'étais dans l'école républicaine, etc. Je savais pas réciter le credo à l'époque, mais les cinq piliers de l'islam, je les connaissais. Voilà, je cherchais l'erreur. Non, mais c'est exactement ça, pareil, hein. Je me suis converti sur le tard. À l'école, j'avais appris les cinq piliers de l'islam, j'avais mieux appris l'islam que notre propre religion, quoi. Bref, les cinq piliers d'islam. Donc, le premier, c'est la profession de foi, la shahada. En gros, c'est de mémoire, il n'y a de Dieu que Dieu et Allah est son prophète. En récitant cette phrase, avec deux témoins musulmans, vous devenez musulman. Bien sûr, hein, si vous adhérez à ça. Hein. Deuxième pilier, c'était la prière. Hein, donc, la prière rituelle. Les musulmans, ils ont cinq prières par jour. Je ne vais pas vous donner leur nom, ce n'est pas le plus intéressant. Et en fait, on se rend compte que le rythme des prières musulmanes, elle est calquée sur la prière des moines chrétiens orientaux. Sur les tournées de la BAC aussi. C'est un peu calculé là-dessus. Quand la BAC, elle passe, généralement, la prière s'arrête. C'est magique. Le troisième pilier, c'est l'aumône. Le quatrième pilier, c'est le jeûne du ramadan. Donc ça, c'est une vieille tradition chrétienne qui est le carême, en fait. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le mot ramadan, ça vient de l'arabe ramad, qui signifie cendre. Or, nous, le carême chrétien commence avec le mercredi décembre. Alors je reviens à ce terme de jeûne parce que quand même les musulmans se moquent de nous, d'accord ? Jeûne, le carême chrétien, on pratique le jeûne au sens strict, d'accord ? On ne mange pas, on boit peut-être de l'eau à la rigueur, mais on ne mange pas. Le jeûne, entre guillemets, des musulmans, c'est on s'empiffre la nuit, ça n'a rien à voir. Hein. C'est on ne mange pas la journée, ok ? Et la nuit, on s'empiffre à tel point que dans les pays musulmans, il y a des problèmes dans les hôpitaux parce que les gens, ils font des indigestions, ils gagnent du poids, ils ont des malaises cardiaques tellement qu'ils s'empiffrent la nuit. Voilà. Moi, je me souviens, quand j'étais encore à l'école républicaine, justement, hein, les musulmans qui pratiquaient le ramadan, ils ne parlaient que de ça, toujours à se plaindre, Ah, j'ai faim, mais c'est le ramadan. Comme les véganes qui parlent que de leur régime végane, tu sais. Alors, je pensais pas directement aux véganes, je pensais à la parabole du publicain, d'accord ? Qui, ah, comme ça, en train moi, de... j'étais un peu moins théologique. vous avez vu, Seigneur, que tous les efforts que j'ai fait, et puis il le répète, regardez à quel point je jeûne, regardez à quel point je suis faible. J'ai même pas le droit d'avaler ma salive, même pas je te crache dessus, sale Jimmy. Alors que finalement, le jeûne, pour qu'il soit vraiment bien pratiqué, c'est même pas trop une histoire de nourriture, effectivement, c'est le principe. Mais si vous commencez à vous plaindre ou à vous vanter des mérites que vous faites, des sacrifices que vous accomplissez, ça vaut rien. Rien du tout. Zéro, quoi. C'est un truc qui est personnel. Il n'y a pas besoin d'en parler et d'en faire des tonnes. Voilà. Sinon, ça s'appelle de l'égocentrisme. Tout simplement. Oh, regardez, tous les efforts que je fais. Vous essayez de plaire à qui, les musulmans? À faire de l'effet à vos voisins? Vous voulez absolument plaire à Dieu? Faut savoir. Bref, pour en revenir au pilier de l'islam, le cinquième, c'est le pèlerinage à la Mecque. Et en fait, c'était une vieille tradition séculaire juive du pèlerinage à Jérusalem. Bon, ce qu'on a aussi nous récupéré, forcément, d'aller prier, se recueillir sur le tombeau du Christ. Sachant qu'aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas possible. Parce que c'est l'entité sioniste qui a pris le contrôle de la Palestine, que beaucoup d'entre nous sommes fichés et que bien sûr, on peut pas mettre un seul pied sur ce territoire qui est le royaume de Jérusalem, un territoire chrétien en fait, où le Christ a marché et a prêché la bonne parole. Donc voilà, même à travers leurs cinq piliers principaux, les cinq piliers de l'islam, eh bien, tout ça vient des traditions juives ou chrétiennes, etc., donc des judo-nazaréens. Oui, donc j'ai pas réagi, et puis vous avez à peu près tout dit, hein, l'air de rien. Je voulais apporter quelques précisions sur le jeûne. Après, la vidéo en tant que telle, ça me fait exactement le même effet avec les points dans l'islam. Hein. Je pense aux pièces de Super Mario. Moi, c'est la même imagerie que j'ai à la place. Nos contemporains sont très méconnaissants de ce qu'est l'islam. Donc, ils croient que c'est un genre de christianisme un peu proche de nous, des choses comme ça, alors que ça n'est pas le cas. Nous parlerons plutôt de grâce actuelle, de grâce sanctifiante. Il n'y a pas de point en tant que tel. Nous sommes en état de grâce, donc nous sommes sauvés ou nous ne le sommes pas. Nous avons perdu ainsi l'amitié de Dieu, on s'aliène son amitié quand on ne l'a pas. Eux donc, oui voilà, c'est un juridisme assez lunaire, quoi, où voilà, faut rentrer avec le pied droit, ressortir rentrer avec le pied gauche, ressortir avec le pied droit, je crois. Excusez ma méconnaissance là pour le coup. Alors, je veux poser une colle, excusez-moi, je rebondis là-dessus. Est-ce que vous savez pourquoi, alors ça peut être aussi une culture différente, hein, mais il y a une raison très théologique chez les musulmans derrière. Pourquoi est-ce qu'il faut manger absolument avec la main droite lorsqu'on partage un plat? Vous savez, dans les pays musulmans, il y a un plat qui est mis au milieu, un grand plat, et tout le monde se sert dans le même plat. Alors, c'est pas spécialement très hygiénique, mais bon. Pourquoi est-ce qu'on prend la main droite? Est-ce que vous savez? Moi, je sais, j'ai la réponse. Parce qu'on s'essuie avec l'autre main, n'est-ce pas? Exactement. Parce qu'on parlait de... On rebondit, hein, parce qu'en fait, au départ, on parlait d'histoire d'un peu de caca islamique, hein, avec ce charmant français. J'imagine qu'il est français, hein, il s'appelle Mohamed, hein, il peut être français, qui nous explique comment est-ce qu'il faut faire caca selon l'islam. Bah oui, en fait, les Français ne savent pas que selon l'islam, selon les fameux hadiths, vous devez absolument vous essuyez les fesses avec la main gauche. Et attention, vous essuyez les fesses, en fait, c'est un abus de langage, car il ne faut pas utiliser de papier toilette, il faut utiliser de l'eau. Voilà. Vous aspergez vos parties intimes et votre derrière d'eau, d'accord ? Surtout pas essuyer, et vous faites tout ça uniquement avec la main gauche. Comme ça, la main droite reste propre et peut aller se planquer dans les plats. Si vous avez des musulmans, interrogez-les sur cette curieuse pratique. Et demandez-leur s'ils sont vraiment des vrais musulmans. S'ils sont des vrais musulmans, ils vont appliquer ce hadith en particulier parce que ça fait partie des fameux hadiths les plus sûrs dont a parlé Dédé. D'accord? Celui-là est dans la liste. D'accord? Donc n'hésitez pas à interroger votre, je sais pas, un collègue musulman, si possible, s'il y a un peu de monde, d'autres collègues, pour essayer d'apprendre un peu plus l'islam, quoi. Je pense que ça pourra donner des conversations intéressantes. Ce ne sont pas des normes très Covid et très hygiéniques, on va dire, ça c'est sûr. Vu qu'on parle des hadiths et un peu du bas domaine, hein, on va continuer dans le sujet. En lisant les hadiths, enfin en parcourant quelques-uns, parce que comme je vous ai dit, il y en a des millions, je suis tombé sur le hadith, un miracle du prophète. Donc là, on se dit, ouais, un miracle du prophète, ça va être un truc de fou, etc., etc. Écoutez-moi ce petit hadith. Il m'a dit, va vers ces deux petits palmiers et dis-leur, le prophète vous ordonne de vous rassembler. Et le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, s'est caché derrière eux et a fait ses besoins. Puis il m'a dit, va vers les deux arbres et dis-leur, retournez tous les deux à votre place. Je leur ai dit cela et ils y sont retournés. Qu'en gros, le hadith enseigne aux musulmans qu'un des miracles du prophète, c'est qu'il ait pu chier caché par deux palmiers. Quoi. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment, paye ton miracle. Quoi. On dirait les miracles de Baba Salé qui roule bourré sur un pont sans tomber dans l'eau. Quoi. Baba Salé, j'explique, c'est un mystique juif orthodoxe qui est mis en avant justement par ce fameux Ron Chaya, parce qu'apparemment il sera un exemple de sainteté. Et en fait, le mec, c'est juste un poivreau. Il est tout le temps en train de picoler, il a des histoires d'alcool à raconter. Et il est mis en avant par tout un tas de mystiques juifs qui le prennent pour un érudit et un saint, alors que voilà, le mec, il picole, quoi. Ça, il fait des miracles en picolant. Voilà. Une histoire au Maroc. Ah bah, ça est parti avec son intendant et un conducteur, ils vont dans une ville voisine. Et là-bas, on lui fait la fête, etc. Et évidemment, ils boivent. C'est pas du harak là-bas, c'est la meria. D'accord, ils boivent, ils sont tous complètement sous. Et à la fin, ils disent, OK, on rentre. Le conducteur dit, Claude Arroche, je peux pas, si je conduis comme ça, je vais tout droit dans le fossé. On y va, je peux pas. T'en fais pas, tout ira bien. Bon, ils roulent comme ça, évidemment, ils font des zigzags un peu sur la route, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Puis là, ils arrivent à un pont. Très étroit, sans barrière. Là, le conducteur dit, je ne peux pas. Je suis incapable de passer ce pont-là. Si on tombe, ce n'est pas le fossé, c'est fini toute la comédia, terminé. Ah ben, il lui dit, roule. Je ne peux pas. Roule. Je ne peux pas. Je ne vais pas me suicider. Bon, dans ce cas-là, on va faire comme ça. Bon, il prend un morceau de tissu, il lui bande les yeux. Il dit, maintenant, vas-y, avance. Roule. Roum. Il avance. Il passe le pont, après il dit « Ok, c'est bon, arrête », il enlève le bandeau, continue maintenant. Extraordinaire, dirigé par Hachem, mamache. Qu'une fois, ils étaient avec Baba Salé, son intendant, le Rav Maman, et deux Américains sont arrivés. On a amené avec nous 6 bouteilles de Chivas Régal. Baba Salé a dit « On est 5, il y a 6 bouteilles, on finit tout ». Et il commence à boire, il donne au Rav Maman, « je ne peux pas, je déteste, je n'aime pas le whisky, je ne peux pas boire ». Bon, il a bu tout le verre quand même, comme ça de whisky, hein. Tof. Au bout d'un moment, les deux Américains étaient par terre, complètement sous. Et Baba Saleh dit au Obama, tiens, bois encore, je ne peux pas, je n'aime pas ça. Il dit, pour finir, le brave Amman refuse, d'accord. Baba Saleh dit à son intendant, tu lui verses le verre dans le dos. Il a versé le verre de whisky dans le dos comme ça. Bon, le moment était complètement jeté aussi. Ils l'ont sorti, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture. On lui a raconté après, ils ont roulé jusqu'à, il habitait Kiryat Malachi, une demi-heure de route, on ouvre le coffre, il était en pleine forme. Puis il a vu plusieurs verres de Chivas Regal en pleine forme. Donc c'était des choses extraordinaires qu'il y avait avec cet alcool. Bon, on ne sait pas comment il faisait aussi, on sait qu'il mettait un mouchoir sur la bouteille et versait comme ça. Il est venu à Fublin, à Paris, en France. Et il y avait 200 élèves à la yeshiva, il a pris une bouteille comme ça, tout le monde lui a servi du harak. Comment tu peux servir, d'accord? 10 litres, 20 litres, 30 litres dans une petite bouteille, c'est connu, des miracles extraordinaires, c'est les petits miracles de Baba Saleh. Et donc là, pour revenir un petit peu à cette essence de l'islam, où je disais il y avait un gros juridisme, c'est un peu la loi écrite qui prévaut surtout. Un petit côté, on ne se pose pas de questions, quoi. Faites-le, appliquez-le, Allah va vous aimer, point final. En soi, qu'il y ait une loi écrite, ça n'est pas mauvais, mais bon, chez les chrétiens, on aime bien quand même aussi également connaître le bien pour le pratiquer. C'est d'autant plus profond que, voilà, vous faites ça, oui, mais pourquoi je le fais, c'est pour cette raison. Donc c'est quand même d'un niveau un peu supérieur, au côté un petit peu là, désertique. Voilà, même si y a un peu, même chez les Hébreux, c'est très mal vu. Quand on parle des Philistins, qui sont un peu leur ennemi héréditaire, en littérature, quand tu dis ce sont des Philistins, ça veut un peu dire des incultes, en fait, juste parce qu'ils privilégiaient uniquement la tradition orale, mais en méprisant la tradition écrite. Donc en soi, l'une n'annule pas l'autre, mais c'est vrai que nous, chez les chrétiens, on est quand même la religion du verbe, la religion du logos, n'est-ce pas? Bien que, voilà, le seul maître du logos, le vrai, c'est le Christ, ça c'est certain. Et donc voilà, c'est ce gros problème là où il y a un petit côté je réfléchis pas, j'applique main droite, main gauche, et voilà. Après on pourrait ajouter aussi qu'il faut être un peu niqué pas niqué fié, hein, niqué fié et niqué pas. Je pense que c'est important, même si bon, en parlant de kéfié, ça fait pas de nous des sionistes, puisque en tant que catholique on ne peut pas l'être, on ne peut pas rendre la terre un peuple élu qui ne l'est pas. Je vous renvoie ici un peu au débat entre Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, et enfin l'échange plutôt, et le pape Saint-Pie X, par exemple, où voilà, ça avait été déjà de toute façon condamné par le magistère de l'Église et son autorité. Mais voilà, c'est après sur ce qui est de judaïsme et islam, il y a de plus grandes similitudes et similarités entre eux. Et dans les deux cas, bon, c'est peut-être des problèmes à différents degrés, puisque les musulmans n'ont pas un pouvoir politique hyper conséquent en France ou des choses comme ça, quoique ça, après ça pourrait être amené à changer. Mais donc si ce sont des problèmes à divers degrés, bon, dans les deux cas, on rejette, je veux dire, on n'est ni islamophile ni judéophile, nous sommes tout simplement des catholiques intransigeants, disons. Et aussi, on pourrait souligner que bah, si on entend parler toutes ces affaires de Mohamed le super français, bah, c'est aussi à cause de l'immigration massive et son islamisation qui vient avec. C'est-à-dire que sans immigration massive, il n'y aurait même pas de présence d'islam ou alors ultra anecdotique dans nos murs à laquelle cette religion est étrangère et qui ne relie même pas, comme le disait Dédé, il a bien raison. Étrangère évidemment à notre civilisation, voilà, gréco-latine, celto-germanique, français. Ah, je sais pas, parce que Jamel Debbouze, lui, il a dit que l'islam était présent en France depuis plus de 5000 ans, donc même avant la naissance de l'islam. Qu'est-ce qu'on vient nous faire chier avec ce truc? L'islam est en Europe depuis 3000 ans. Ça fait. Il le découvre pas, la burqa. Encore une fois, c'est xénophobe. Voilà. Et les gens qui vont dans ce sens-là sont des racistes. Même Jacques Attali qui avait sorti un truc du genre un peu similaire, ouais. Mais je crois qu'il s'est planté dans les dates parce que ouais, ça n'existait même pas, quoi. Je pense que Rex, tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement important quand tu relèves, d'ailleurs Dédé aussi, quand tu relèves à quel point l'islam c'est vraiment con. Je sais pas comment. Je sais que je dois utiliser un langage un peu. Non, là je peux pas. L'islam c'est vraiment con. Il n'y a pas d'autre terme. C'est une religion à point, donc on a dit, hein. D'accumuler des points, un peu comme le talmudisme d'ailleurs. J'ai pris l'exemple de Super Mario parce que, à cause des points, et aussi parce qu'à la fin, Mario, il sauve la princesse. Faut pas oublier que l'islam, le musulman veut accéder au paradis. Et là, c'est quoi le paradis des musulmans? t'as le droit de boire de l'alcool, alors que sur Terre, t'as pas le droit, mais dans le ciel, apparemment, t'as le droit. Tu fais des banquets pendant l'éternité, voilà, tu t'empiffres. Et t'as des femmes vierges, t'as 72 vierges. S'enivrer, s'empiffrer, forniquer, voilà. C'est ça, finalement, à quoi veulent atteindre ces gens, c'est ça, apparemment, le but suprême auquel il faudrait s'élever. Il s'inspire à ça, et c'est vrai que là tu soulignes un point énorme, parce que en fait tu t'interdis de toutes ces choses sur Terre, et dès que tu arrives au ciel, bam, c'est la méga partouze, cocotier, tout ça, enfin c'est quand même hallucinant, genre on s'empêche de faire quelque chose pour pouvoir le faire éternellement derrière, alors que, je veux dire, nous, c'est, on atteint le bien, le bon Dieu tout court, on se comporte bien sur Terre et au ciel, sans le corps, ou du moins avec sa réincarnation, voilà, on n'a pas du tout de choses qui étaient mauvaises sur Terre qui d'un seul coup deviennent bonnes et complètement en roue libre. Quoi. C'est un paradis matérialiste. C'est vraiment... Il n'y a aucune notion de surnaturel, etc. C'est vraiment... je peux jouir sans limite. C'est le plaisir illimité. Quoi. Le paradis chrétien en opposition, il est d'ordre philosophique. Là, ça élève l'âme. Alors les gens, quand ils critiquent le christianisme et de manière historique, quand ils sont opposés au christianisme, Ils s'y sont opposés pour, on va dire, pour des raisons on va dire philosophiques, par exemple. D'accord, je n'adhère pas au christianisme, j'y crois pas. Ou parce que ils trouvaient ça trop restrictif. Voilà, ça m'empêche. S'il y a un État chrétien qui se met en place, je pourrais plus consommer 3 prostituées par jour en allant dans les boîtes de nuit, et trucs comme ça. Tu vois. Voilà. Donc, ce genre de profil. En tout cas, dans l'histoire, personne ne s'est opposé au christianisme, que personne ne connu, en disant « Alors ça, je n'en veux pas. » En disant que le christianisme, c'était bête. Personne n'a jamais dit ça. Même Voltaire. Voltaire n'a jamais dit... Voltaire était en désaccord avec le christianisme. Il n'a jamais dit que le christianisme était bête. Alors que là, pour l'islam, je suis désolé, et pour le talmudisme, c'est pareil, c'est vraiment 0-0-0. Et je tiens à préciser, alors, ok, Charlie Hebdo, tout ça, on sait que Charlie Hebdo, c'est de la merde. Ok, mais je tiens à préciser que vous avez le droit, en France, d'avoir de tels propos sur l'islam. C'est pas du tout répréhensible, d'accord. Si vous avez des propos un peu olé-olé sur les musulmans, attention, c'est différent. Si vous dites les musulmans sont bêtes, c'est pas la même chose. Là, vous avez des soucis. Mais si vous dites l'islam en tant que tel, j'aime pas ça et je trouve que c'est con, on peut pas vous faire de procès. Ils avaient essayé avec Houellebecq, parce que Houellebecq avait fait une sortie là-dessus. Houellebecq avait dit l'islam c'est une religion qui est très con ou la plus con, ou un truc comme ça. C'était ses termes, il a vraiment utilisé le terme con. Ils avaient essayé de lui faire un procès, non, au nom de la liberté de critique, de blablabla, machin, république. Voilà, il était perché. Alors Houellebecq, quand il fait des sorties comme ça, c'est pas parce qu'il a envie de se transformer en templier, d'accord. C'est parce qu'en fait, Houellebecq, c'est un boomer anarchiste, donc il fait des sorties de la sorte, parce qu'il fait des sorties en mode... Je veux surtout pas qu'on arrête du jour au lendemain de m'accorder 2-3 libertés, parce que Houellebecq, c'est un décadent. Houellebecq, il veut continuer à picoler, il aime bien les nanas. D'ailleurs, là, il va sortir un porno. Alors, d'ailleurs, les gens, quand ils vont écouter ça, ils vont dire « Quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de dire, Bobby ?» C'est pas une blague. Moi aussi, quand j'ai lu ça, j'ai cru que j'étais sur le site Logographie, hein, le site parodique. Non, c'est pas une blague. Houellebecq, il va produire, réaliser, se mettre en scène dans un porno, court-métrage, il va rendre ça public. Voilà. Donc vous voyez un peu la psychologie de ce... Donc déjà en soi, c'est pas... Hein, surtout à son âge, surtout vu son physique, il va faire fantasme qui. C'est un décadent, pas possible, c'est pour ça qu'il aime pas l'islam. Demain, vous mettez, je ne sais pas, même du bouddhisme en place, un truc un peu restrictif comme ça, qui va bien serrer la vis, ou Houellebecq ferait la même sortie contre le bouddhisme, et il vend des comptes à personne et à aucun état. Voilà. C'est un truc d'anarchiste, de boomer. C'est ça sa psychologie. Voilà, mais en tout cas, d'un point de vue juridique, vous avez le droit de dire ouais, l'islam, j'aime pas ça, je trouve ça con, etc. Pour rebondir sur le jeûne dont on a parlé tout à l'heure aussi, on pourrait préciser que, bon, on mange pas, si, quand même, en fait, il y a un repas léger par jour. Et, oui, on évite de tomber dans les pommes, on n'est pas idiot. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Après, bon, on a quand même peut-être moins de vigueur et le but, c'est que ce soit quand même un peu pénible. Mais pour les chrétiens qui le pratiquent, et donc ça se fait peut-être plus dans les milieux de tradition, c'est sûr, mais pas chez 100% des gens. Je veux parler vraiment d'un jeûne où on va au-delà que se dire je mange pas de chocolat ou des choses comme ça. Hein. En soi, on pratique plutôt celui de Pie XII. Qui était déjà un peu allégé, puisque bon, je pense pour des causes de guerre, etc., lors de la Seconde Guerre mondiale, Peut-être que chez les CEDEVAC, ils vont aller un petit peu plus loin en faisant celui du canon, peut-être du lendemain de la Première Guerre mondiale, là, où là, tu manges encore un petit peu moins. Mais voilà, toujours est-il que c'est quelque chose qui est fait pour être pénible. On fait un petit sacrifice pour le Seigneur. Il n'y a pas à en faire des esclandres, des états sur la place publique, ça c'est sûr. Tu le fais pour le bon Dieu. C'est bien après que les gens voient que des chrétiens fassent cet effort pour le bon Dieu aussi, c'est sûr. Mais voilà, toujours est-il qu'on n'en fait pas des esclandres et que voilà, c'est quand même un repas léger par jour et même petite collation et tout ça pour le matin. Si on fait la version un peu pie-douze, c'est en soi, c'est quelque chose qui c'est pas comme un jeûne alimentaire comme font certains un peu à l'indienne ou à l'asiatique, là, des choses comme ça, ça n'a rien à voir. On le fait pas aussi pour une perte de poids, pour la silhouette. C'est vraiment pour le bon Dieu. Et en soi, si les musulmans ont voulu faire une version un peu plus radicale, genre on ne boit pas d'eau, voilà. Bon, je ne sais pas si chez eux, il y en a qui le font plus sérieusement que ça, mais c'est vrai que c'est très connu, ça, le côté on s'interdit de manger et de boire la journée, et puis la nuit tombée, méga barbecue. On prend 2 kilos, bon là, je veux dire, c'est ridicule. Moi, j'ai connu des musulmans, il y a des collègues musulmans il y a à peu près 10 ans, qui étaient assez rigoristes, dans le sens où c'est vrai qu'ils consommaient pas d'eau durant la journée. Par contre, qu'est-ce qu'ils picolaient comme alcool en cachette? Alors ça. Ouais, c'est là, ils ont un peu comme dans le Talmud. Je sais qu'il y en a qui sont un peu des resquilleurs où ils vont dire Allah qui est pourtant omnipotent, il voit pas tout. Quand on se met dans un petit, dans une petite cave, c'est bon, il a pas vu, donc c'est bon, c'est valide, c'est halal. Tu manges quoi là? Côte de porc, mais... Côte de porc, donc du pain, cousin. C'est ça, cousin. Ça, c'est un sandwich, ça. Mais allez, allez, quand tu tapes, c'est même pas halal, cousin. C'est pas halal le côte de porc? Vas-y, c'est pas halal ça. T'as un fou, non? Ça, c'est halal le côte de porc. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est pas halal. Si, c'est halal. Faut le côte de porc de chez moi, il est halal. Comment ça, le côte de porc de chez toi, il est halal? Qu'est-ce que tu racontes? Mec, je l'ai halalé ce matin. Tu l'as halalé ce matin? Ouais. Tu es sérieux là dans ce que tu dis? Halal, c'est quoi? Moi, je l'ai sorti de mon four, j'ai fait halal. Quand tu dis halal, tu l'as halalé. Après, tu prends, tu mets dans ton pain, il est halalé. Astaghfirullah, mais t'es sérieux là? C'est parce que je ne suis pas juif, c'est ça. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, vous avez une religion qui est tellement... Tellement quoi? Bien déjà, c'est une religion qui interdit les saucisses, il me semble. Et? Et rien. Faisons comme si c'était normal, après tout. Pas de saucisses, pas d'alcool, les femmes voilées, enfin... Excusez-moi, mais enfin, c'est quand même... Quand même quoi? Mais ça fait un peu Jacques a dit, pas de charcuterie, hein, vous ne trouvez pas? Non, je ne trouve pas. De plus, vous confondez les juifs et les musulmans. Au Maroc, il y a beaucoup de sacs plastiques qu'on vous fournit dans les supermarchés qui sont noirs, qui sont pas blancs, transparents. Voilà. Parce que comme ça, vous pouvez acheter votre alcool tranquillement, incognito. Voilà. Il n'y a pas que le Maroc, d'ailleurs. Donc c'est un peu hypocrite. Excellent. Non, c'est vrai, hein, c'est une anecdote qui est tout à fait vérifiable. Hein. Ouais, mais du coup, c'est des mauvais musulmans parce que pour le coup, l'interdiction de l'alcool chez les musulmans, il y a clairement une hadith du prophète qui dit Allah maudit les boissons alcoolisées, celui qui les boit, celui qui les cueille, et celui qui les vend, celui qui les achète, celui qui les presse, celui pour qui on presse, celui qui les porte, et celui pour qui on les porte. En gros, c'est une interdiction totale de tout ce qui tourne autour de l'alcool. Et en fait, c'est logique parce que en terre d'islam, il ne faut pas pouvoir faire le saint sacrifice de la messe. Or, pour faire le saint sacrifice de la messe, on a besoin de vin. Donc, en ayant interdit toutes les boissons alcoolisées, on ne peut pas réaliser la sainte messe. C'est aussi, c'est pas que pour l'alcool en soi, c'est aussi au niveau théologique que ça pose problème, en fait. Lorsque Richard Cœur de Lion était parti en croisade avec ses acolytes, il y avait tout un tas de dispositions, de consignes qui avaient été mises en place lorsqu'ils étaient installés en Terre Sainte, notamment celle de surtout pas fournir d'alcool à ses soldats. Pourquoi? On pourrait se dire, bah, ça va être le désordre, ils vont se bagarrer, des choses comme ça, choses qui pourraient s'entendre. En fait, la première raison, c'était les soldats se ruaient sur l'alcool, et après, le commandement militaire avait un énorme problème Non, pas parce qu'il faisait n'importe quoi ou qu'il s'est pas garé. Parce qu'en fait, il voulait tout charger les musulmans. Il n'y en a pas un qui voulait rester à la garnison. Ils voulaient tous se battre directement. Et il chargeait les musulmans comme ça, sans, un peu dans le désordre. Voilà. Bon, voilà. Petite anecdote un peu rigolote. Eh bien, écoutez, messieurs, après ce petit débat, cette petite discussion œcuménique, je tiens à vous remercier pour les nombreuses blagues qui ont été disséminées un peu à droite et à gauche. Et je vous dis au mois prochain. Bon carême à tous pour tous ceux qui le font et au mois prochain. Salut à tous, salut à Victoire et vive Jésus. 사랑해요. 아저씨.